Bonsoir, bonsoir, bienvenue, c'est la Red Arc du Sport, Radio Arc-en-Ciel, pour vous accueillir à 20h31, ravi de vous retrouver ce soir, très heureux une nouvelle fois de se retrouver avec un programme que je vais vous donner dans un instant. Je vous rappelle que pour nous écouter, c'est facile, c'est radio-arc-en-ciel.com. En voiture aussi, hein, sur les fréquences DAB+, ou sur les fréquences FM 96.2. Et puis, ben, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous joindre, c'est facile aussi, sur le Facebook La Red Arc du Sport, ou bien également au standard 02 38 434 800, si vous voulez réagir à l'actualité de la semaine passée, ou si vous voulez proposer peut-être une info, n'hésitez pas à nous appeler. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, profitez-en. Pour les autres, bon courage. Si vous nous écoutez peut-être au travail, bon courage à vous. Le programme de la soirée, tout de suite, eh bien, le foot, ce sera dans une demi-heure, comme d'habitude, aux côtés de Hugo, qui sera avec nous pour l'actualité foot, la semaine européenne qui nous a intéressés, avec malheureusement eh bien, seulement un qualifié en Ligue Europa, c'est l'Olympique de Marseille. Il y a les trois autres clubs français qui n'ont pas réussi à passer cette marche. On y reviendra tout à l'heure. Les autres matchs de la Ligue des Champions aussi, les autres huitièmes de finale, la semaine européenne et puis également le week-end en Ligue 1 qui nous a intéressés. On y revient tout à l'heure avec Hugo, donc dans une demi-heure. Du rugby avec le tournoi de destination, on reviendra sur ce match du 15 de France, très compliqué face à l'Italie, un match nul qui ressemble presque à une défaite pour le 15 de France. On parlera aussi d'autres matchs, notamment la domination irlandaise, une nouvelle fois sur le week-end. Ça, c'est pour le rugby tout à l'heure. Du tennis aussi, avec la semaine qui arrive, avec les tournois de la semaine, comme d'habitude. On reviendra aussi sur les tournois passés, hier, Doha notamment, avec la victoire de Khachanov. Ce sera donc au programme tout à l'heure. Au tennis, on aura aussi du basket avec l'actualité de l'OLB qui va revenir dans quelques jours maintenant, puisque c'est la trêve, hein, qui se déroule en ce moment avec la trêve internationale, avec notamment l'équipe de France, hein, qui d'ailleurs joue en ce moment, hein, l'équipe de France dans les qualifications à l'Euro. Voilà, c'est en ce moment même, avec la France qui affronte la Bosnie-Herzégovine et qui mène 57-50 dans le dernier carton. Donc tout ça pour les qualifications à l'Euro, après une victoire, on en parlera tout à l'heure, ce week-end face à la Croatie, voilà, pour lancer donc sa campagne de qualification à l'Euro. Voilà l'un des directs aussi qu'on suivra jusqu'à la fin de cette rencontre. Et puis l'OLB qui reprendra du coup la compétition à l'issue de cette trêve internationale. Du handball aussi, avec le match important pour Saran, qui a été tenu en échec à Créteil. Mais un point important qui a été arraché en toute fin de match pour les Saranais à Créteil, qui les laisse en vie dans cette Star League. On refera le point là-dessus tout à l'heure, et puis bien sûr l'actualité aussi européenne de handball. Voilà le programme de ce soir, beaucoup de choses encore, des directs, je le disais, du basket, donc avec ce Bosnie-France pour les qualifications à l'Euro. Pour l'instant, les Bleus mènent, c'est là. C'est bien de démarrer, hein, le dernier carton, il reste une dizaine de minutes encore. Et puis en foot, il va y avoir les directs qui vont démarrer dans quelques minutes, à savoir en Ligue 2, 26e journée, Caen qui reçoit Angers 2e, qui pourrait se rapprocher un petit peu d'Auxerre en cas de succès. Auxerre qui a gagné, donc qui reste leader. On aura, donc ce sera 20h45 dans 10 minutes, 20h45 également en Italie, la Fiorentina reçoit la Lazio Rome. Là aussi, pour le compte de la 26e journée. Il y a quelques minutes, la victoire de la Roma, qui a battu le Torino 3-2, avec un triplé de Dybala notamment, qui a permis la victoire de la Roma. On verra les conséquences au classement tout à l'heure. Et puis 21h, les matchs de 21h, l'Angleterre notamment. 26e journée, West Ham reçoit Brentford. Et puis en Espagne, le match important pour Gérone, pour revenir deuxième, qui affronte et qui reçoit donc le Rayo Vallecano. Ce sera donc aussi à 21h. Voilà les directs que l'on va suivre tout au long de cette soirée. Et puis des sons, comme d'habitude, pour nous accompagner tout au long de cette soirée. On va commencer avec une première pause tout de suite, et on va enchaîner cette première partie, cette première demi-heure, avec nos sports habituelle. Et puis à partir de 21h, on bascule dans la page football. Vous l'avez compris, cette page football qui prend de plus en plus de place. On aura une heure et demie de foot maintenant sur ces émissions. On y va tout de suite avec une première pause et on se retrouve juste après, donc pour cette première partie d'émission. On se retrouve donc après ce titre qui démarre tout de suite. C'est Brickbot que l'on écoute avec ce titre Baby Amios. À tout de suite. Baby Amios, c'était le premier titre de la soirée. Si vous nous rejoignez, bienvenue, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel pour la Red Arc du Sport. Il est 20h40 et on va tout de suite lancer l'émission avec le premier sujet de la soirée. Mot de sport d'hiver, la saison qui bat son plein en ce moment avec un coup important ce week-end. C'est la victoire de Marco Odermatt qui a remporté l'étape du week-end sur le géant et qui s'est adjugé le gros globe de la saison grâce à cette victoire du super du slalom géant, pardon, victoire donc 10e succès d'ailleurs consécutif pour lui dans cette discipline sur le géant. Il devance Henrik Christoffersen 2e et donc il s'adjuge le gros globe grâce à cette victoire donc dans le géant. Et puis le slalom lui qui avait lieu hier a été remportée par Manuel Feller, l'Autrichien. Clément Noël a noté une belle deuxième place pour lui. En tout cas, c'est fait pour Edermatt à 2-3 semaines de la fin de saison. Il reste encore 3 week-ends de compétition. Le prochain, ce sera à Aspen, aux États-Unis, avec 2 géants et 1 slalom qui sont au programme. Pas de rendez-vous en tout cas chez les femmes ce week-end, puisque les épreuves qui devaient avoir lieu en Italie ont été annulées en raison de la neige qui est tombée en trop grosse quantité, et donc l'étape a été annulée tout bonnement du côté donc de l'Italie pour les femmes, et elles seront de retour en Norvège ce week-end pour deux nouvelles épreuves, une descente et un super G. Le biathlon va aussi faire son retour ce week-end après une trêve bien méritée après les championnats du monde. Rendez-vous à Oslo pour l'étape norvégienne ce week-end. Voilà, donc ce sera le programme de cette semaine. Voilà, toujours une belle preuve avec les Norvégiens à domicile, évidemment, qui vont être vraiment attendus pour le coup, et qui vont avoir à cœur de faire de belles performances. Jeudi, ce sera un rendez-vous pour l'individuel, le deuxième individuel de la saison. Vendredi, ce sera celui des hommes, et puis samedi, les deux mass start au programme, deux mass start femmes et hommes, avant les relais mixtes de dimanche. Voilà ce qui nous attend sur cette semaine de compétition à Oslo. On referme cette page alors que les directs se poursuivent. On va suivre aussi le basket. C'est important, c'est ce match de qualification à l'Euro pour l'équipe de France qui affronte la Bosnie-Herzégovine. Les Bleus mènent toujours, mais désormais avec moins d'avance. Hein. Voilà, donc pour le moment, les Bleus mènent 58-54. Il reste encore plus de 6 minutes à jouer, donc voilà, les Bleus sont toujours devant, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué depuis quelques minutes pour garder l'avantage. Donc pour l'instant ça passe. On va suivre bien sûr avec attention cette fin de match. Et puis sur le foot, bien début dans 2 minutes pour la Ligue 2 et pour l'Italie. On suivra les départs dans quelques minutes. Voilà pour les directs. On enchaîne avec du handball. Handball et la suite de saison en Star League qui intéresse bien sûr nos handballeurs de Saran, qui jouaient un match très important ce week-end du côté de Créteil, hein, un match vraiment du maintien déjà du côté de Créteil. Pas de victoire mais pas de défaite. Match nul 31 partout, arraché en fin de match pour Saran, qui permet à Saran de rester en vie, hein, vraiment dans ce championnat. 8 points égalité avec Créteil, et on a Dijon qui est juste derrière avec 6 points. Voilà, mais on sait les deux derniers descendent, donc pour l'instant Saran ne fait pas partie de ces deux dernières places, mais ça se joue vraiment à peu de choses. Ivry qui est devant, qui est à 3 points d'avance, donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur Créteil, qui sera vraiment l'adversaire principal jusqu'à la fin de saison. Samedi, nouvelle journée pour Saran, réception de Aix en Provence qui est 9e, hein, ce serait vraiment vraiment bien de s'imposer pour Saran, donc samedi cette rencontre à domicile, donc au Palais des Sports pour Saran. Allez-y, vraiment Saran qui a vraiment besoin de soutien sur cette rencontre, hein. Allez-y, hein, ce sera le rendez-vous de samedi pour le Saran Loire Handball, donc vendredi soir donc réception donc de Aix-en-Provence, allez-y supporter cette équipe de Saran qui a vraiment vraiment besoin de soutien pour cette dernière ligne droite et cette course au maintien. Voilà en tout cas pour l'actualité pour Saran. Dans le reste des matchs, bien Paris s'est quasiment adjugé le titre, hein, en s'imposant à Montpellier 31-26, c'était hier. Voilà, qui ne manque presque rien. 18 matchs, 18 victoires. Voilà, c'est un sans faute pour Paris. Largement devant, Nantes reste 2e avec 30 points. Et on a Montpellier 3e, donc avec 27 points. La suite, dont je le disais, ce sera ce week-end. Et puis pour Paris, réception de Toulouse. Toujours en handball, eh bien aussi l'actualité de la Ligue des Champions. Voilà, on approche de la fin de saison pour nos deux clubs français chez les garçons. Montpellier reste quatrième à l'issue d'une défaite donc à l'extérieur cette semaine. Il restera encore deux rencontres pour se garantir cette qualification pour la suite et les huitièmes de finale. Pour Paris, Paris qui remonte troisième à la faveur d'une victoire bonifiée face à Kils, 35-26. Et Paris qui remonte à la troisième place, qui n'est plus loin, très loin dans la deuxième place. Ce serait intéressant d'essayer d'aller la récupérer. Toujours là aussi deux rencontres à jouer pour rester là et essayer de se qualifier pour la suite. Pour les filles, c'est la fin de phase de poule, ça y est, est actée avec troisième place pour Brest, une première place pour Metz. Donc bravo à cette équipe de Metz qui va du coup se qualifier directement pour les quarts de finale. Brest qui devra passer par un huitième de finale, ce sera mi-mars, le 16 mars et le match retour le 23 mars, huitième de finale face à Ferencváros, ce sera les hongroises de Ferencváros pour l'adversaire de Brest pour tenter d'aller chercher et d'aller rejoindre Metz en quart de finale. Voilà pour le handball, toute l'actualité, donc ça rend toujours en vie pour le maintien, on l'espère maintenant avec donc un match important donc à domicile face à Aix samedi donc 20h pour le rendez-vous Palais des Sports. Allez-y, les places qui sont disponibles et qui ont vraiment besoin du soutien de tout le monde. On poursuit après l'actualité du handball, du basket, justement avec ce match en direct entre l'équipe de France garçon et la Bosnie. Donc pour l'instant toujours l'avantage hein, pour l'équipe de France, 60-55, et il reste 6 minutes à jouer alors que du côté de la Bosnie donc on a l'exclusion d'un des du 5 majeur après une cinquième faute. Voilà, donc pour l'instant ça tient pour l'équipe de France qui, on rappelle, joue cette campagne de qualification à l'Euro 2025 et les Bleus qui ont remporté leur premier match donc de cette campagne, c'était vendredi soir, c'était face à la Croatie à domicile, 73-61 la victoire. Victoire ce soir, ça permettrait déjà de prendre une avance pour les Bleus. Il restera un autre d'autres matchs ensuite en novembre, la deuxième partie de campagne et ensuite une dernière partie avec dernier match en février prochain. Donc voilà, ça s'étale sur un an ces qualifications avec toujours de longues périodes entre deux. C'est vrai qu'il y a très peu de trous pour les basketteurs et donc ça s'étale assez largement. Les Bleus toujours devant donc, 62-57 maintenant et il reste 5-44 à jouer. L'écart est vraiment minime quand même. C'est parti pour les directs de 20h45, je le rappelle. On a Caen-Angers en Ligue 2, 0-0 et on a Fiorentina-Lazio, 0-0 aussi en Italie. Je rappelle un peu plus tôt la victoire de la Roma face au Torino, 3-2 grâce à un triplé de Paolo Dybala. Et puis un résultat aussi en national avec la victoire de Dijon tout à l'heure qui a battu Nancy 3-1 et qui, grâce à cette victoire, Dijon, eh bien reste au contact du podium. Rappelle qu'Orléans est cinquième avec, on en parlera avec la victoire du week-end, avec 32 points et qui jouera demain un match de retard important face à Sochaux pour pourquoi pas passer justement devant Dijon et passer à la quatrième place et pourquoi pas rêver d'un peu plus. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Du basket, je le disais justement, avec cette trêve qui va se conclure avec ce match du soir et puis ensuite retour donc de la Pro B notamment et d'Orléans qui va repartir au combat pour essayer de remonter un petit peu dans ce classement, qui recevra l'Allianz Sport Alsace. Ce sera vendredi à 20h à Comet pour tenter eh bien de revenir sixième pour l'instant pour Orléans dans ce classement. Et puis en Betclic Elite, eh bien là aussi reprise de la compétition à partir de mercredi avec Monaco qui jouera, et ensuite eh bien ce sera à partir de samedi pour la suite. Monaco qui est toujours leader dans ce championnat. Et puis en Euroleague, bah là aussi ça enchaîne. Hein. On va repartir. Là aussi après une trêve, hein, on va repartir avec une nouvelle journée à partir de jeudi et vendredi. Monaco ira au Barça, au FC Barcelone, qui est deuxième. Un gros combat pour Monaco, qui on rappelle quatrième. Donc vraiment grosse affiche. Barcelone-Monaco en Euroleague. Vraiment une belle affiche. En tout cas Monaco qui est très très bien dans cette Euroleague, et qui est en tout cas assuré d'être en Euroleague la saison prochaine, voilà, en cas de playoff. Donc ce serait là encore une bonne nouvelle pour cette équipe de Monaco. Et puis dans les autres compétitions, là on retrouve aussi nos clubs français qui sont toujours engagés notamment en Ligue des Champions, que ce soit Cholet, Strasbourg, on a Dijon également qui est concerné, qui voilà vivent des fortunes assez diverses dans leur groupe, mais il reste encore des matchs pour tenter d'inverser la tendance. Et puis c'est le cas aussi en Euroleague, là aussi on va retrouver aussi encore quelques clubs français à venir en quart de finale. C'est le cas notamment de Paris et de Bourg-en-Bresse, hein, qui sont qualifiés pour les quarts de finale en tant que premier de poule, donc bravo à eux, et qui attendent leurs adversaires qui joueront en huitième de finale. Donc déjà on a assuré deux places en quart avec Paris Basket et avec Bourg-en-Bresse, voilà, qui sont qualifiés en Eurocoupe pour les quarts de finale. Donc bravo là aussi à eux pour cette qualification. Et puis pour les filles en Eurocoupe, eh bien on retrouve des clubs français, pardon, en Euroleague, voilà, avec Villeneuve d'Ascq qualifié aussi pour les quarts de finale, et qui voilà pour l'instant ont perdu match aller. Il restera un match retour à jouer cette semaine pour tenter d'inverser la tendance et pourquoi pas essayer de se qualifier pour la suite donc de cette compétition chez les femmes, et puis chez dans l'autre compétition. Montpellier toujours aussi engagé, et bien pour l'instant défaite aussi à l'aller, mais rien n'est joué, match retour cette semaine. On fera un point prochainement sur toutes ces compétitions. Et puis en ce qui concerne l'NBA, bah ça se poursuit, hein. On arrive tranquillement aux deux tiers du championnat, on va dire à peu près, hein, avec 58 matchs joués à peu près pour tout le monde sur les 84. Donc il reste encore quelques rencontres. C'est toujours les Celtics de Boston qui dominent le classement à l'est, avec Cleveland deuxième et Milwaukee. Et puis à l'ouest, c'est Oklahoma City qui est au contact avec le Minnesota notamment, et Denver troisième, alors que les Spurs sont toujours bon dernier. Voilà pour le point basket. Le direct se poursuit. On va le suivre. 67-58, voilà, belle avance pour l'équipe de France qui a fait le trou normalement dans cette rencontre. Il reste quelques minutes, il reste 3-25, voilà, avec 11 points d'avance, 9 points d'avance. Donc ça semble bien engagé pour l'équipe de France dans cette fin de rencontre. Voilà, après le basket, eh bien on va partir en direction. Tiens, juste avant de parler de rugby et de tennis dans un instant, un petit mot d'athlétisme, puisque avait lieu il y a quelques jours, du côté de la Perche, un concours qui avait lieu, la All-Star Perche qui avait lieu à Clermont, avec une nouvelle victoire pour Armand Duplantis, qui a remporté cette compétition, les All-Star Perche, qui a d'ailleurs passé 6-0-2, hein, encore une fois meilleure performance mondiale de l'année. All-Star Perche de Clermont-Ferrand, c'était jeudi, il a passé 6-0-2, donc a remporté le concours Olympia une nouvelle fois, et qui a tenté une barre à 6-24 pour son record, qui a échoué. En revanche, pas le deuxième place pour Thibaut Collet, 5-92, deuxième place, et qui lui réalise son nouveau record personnel. Et puis ça se poursuit cette saison en salle, hein, voilà, avec encore des compétitions qui auront lieu jusqu'à la reprise en plein air, bien sûr, avec les Jeux Olympiques en ligne de mire évidemment pour tout le monde, et notamment Renaud Lavillenie qui se sent encore dans les temps, hein, pour sa qualification pour les Jeux, qui n'a pas encore obtenu sa qualification, hein. S'est fait opérer il y a maintenant 5 mois, et son retour à la compétition qui on espère ne serait tardé. Lui qui a entamé une course contre la montre, hein, pour obtenir sa qualification. On rappelle qu'il devra au moins passer une barre à 5,82 jusqu'au 30 juin. C'est la deadline pour essayer de se qualifier. Pas facile hein, après donc on rappelle rupture partielle du tournoi d'Achille. Hein. Donc ça semble possible, mais voilà, il va falloir se battre pour lui avec normalement un retour à la compétition fin mai pour essayer de se qualifier ensuite avec championnat de France notamment et pourquoi pas se qualifier d'ici là pour les Jeux. Voilà pour l'actualité donc de l'athlétisme. Il est 20h56, on va poursuivre avec le rugby. Le rugby avec le tournoi d'assignation hein, qui se poursuit. C'était la troisième journée ce week-end. On commençait avec les hôtels de samedi. C'est l'Irlande d'abord qui continue son sans faute. Hein. Victoire face au Pays de Galles 31-7. Là aussi victoire bonifiée une nouvelle fois pour les Irlandais avec un dernier essai, celui du bonus dans les toutes dernières secondes, hein, 81e minute, qui leur permet de prendre 5 points encore et d'être sur un 15-15. Voilà, une grosse équipe d'Irlande encore une fois, qu'on voit mal ne pas s'imposer encore une fois avec un grand chelem en prime, évidemment. Ce sera l'objectif, évidemment. Et on avait aussi le lendemain, toujours samedi, victoire de l'Écosse qui a battu l'Angleterre. Voilà, donc l'Angleterre qui chute à la troisième place, c'est l'Écosse qui prend la tête, qui prend la deuxième place. Et enfin, les Bleus qui recevaient l'Italie, Villeneuve-d'Ascq hier, Stade Pierre-Mauroy. Et pas de victoire, mais pas de défaite non plus pour les Bleus, 13 partout. Une grosse première période française qui a eu beaucoup de mal à concrétiser, notamment en seul essai. Et puis un carton rouge qui a eu lieu juste avant la mi-temps. Enfin, en tout cas, pendant la mi-temps, le bunker qui a été effectué, Danti, Jonathan Danti. Et ensuite, une équipe de France qui a eu beaucoup de mal, qui a encaissé un essai et qui aurait même pu perdre sur une dernière pénalité de la dernière chance pour l'Italie qui a touché le poteau. Et les Bleus qui s'en sortent miraculeusement avec ce match nul, mais qui aurait vraiment un coup de défaite. Évidemment pour les Bleus qui attendaient beaucoup mieux de cette rencontre. Il faudra rebondir très vite avec un match face au Pays de Galles en l'extérieur. Ce sera le 10 mars prochain, donc Galles-France, et puis on terminera avec la réception de l'Angleterre. Avant cela, l'Angleterre jouera face à l'Irlande. Grosse affiche au programme. Voilà pour le 6 Nations, donc reprise dans 15 jours. Et puis du côté du top 14, ça se poursuit hein, malgré tout, là, le Stade français qui reste en tête aux côtés de Toulouse. C'est Bordeaux-Bègles qui perd évidemment beaucoup avec cette trêve internationale et qui se retrouve quatrième désormais. Il y aura une nouvelle journée évidemment ce week-end avec un Bordeaux-Bègles Racing justement qui promet donc samedi soir, et puis La Rochelle recevra Clermont dans le match de dimanche soir. Les directs, un petit mot avant de parler de tennis. Le basket, ça se termine dans quelques secondes. Les Bleus qui ont fait le trou, 73-62. Il reste 45 secondes, donc ça semble, c'est acquis hein, pour les Bleus qui vont s'imposer dans cette rencontre. Le tennis, je le disais, la semaine dernière, deux tournois principaux, ouais, c'était Doha notamment. Victoire de Khachanov qui a remporté ce tournoi grâce à une victoire en deux manches en finale 7-6-6-4 face au Tchèque Mencik. A noter la demi-finale de Gaël Monfils qui a perdu en trois manches justement face à ce Tchèque. Beau tournoi, belle semaine pour lui. Hugo Humbert aussi qui termine en quart de finale, donc belle semaine pour les deux Français. Et dans l'autre tournoi de la semaine, c'est à Rio que ça se passait, une victoire de Sébastien Bez, l'Argentin. À noter l'abandon d'Alcaraz dès le premier match après deux jeux de seulement. L'Espagnol qui on espère sera de retour très vite. En tout cas, une bien mauvaise semaine pour lui après cette blessure. Cette semaine, rendez-vous à Acapulco, notamment pour ceux qui seront du côté de la terre battue, avec Alexander Zverev qui sera présent, Holger Rune et notamment Casper Ruud, quelques Français, non pas de Français, du côté de de Acapulco, c'est Dubaï surtout sur dur qui aura lieu hein, avec le retour à la compétition de notamment du Medvedev qui sera présent, Rublev également. Voilà quelques Français, Hugo Humbert face à Monfils, ce sera demain matin. Le vainqueur retrouvera Andy Murray au deuxième tour. Manarino, c'est déjà fini, notamment donc pour le tournoi de la semaine du côté de Dubaï. Voilà le programme qui attend nos tennismen donc dans la semaine de dans cette semaine avant les tournois. Bien sûr, Indian Wells et Miami qui se profilent. Pas de chamboulement au classement pour l'instant. Une pause et on se retrouve juste après. Le foot, ce sera le programme jusqu'à 22h30. Avant cela, donc une pause et on se retrouve pour cette ultime partie avec la fin des matchs. Bosnie, c'est presque fini. La France va tranquillement s'imposer. 74-62, reste 22 secondes, pardon. On vous donnera le résultat juste après cette pause. C'est parti. On se retrouve donc dans la foulée pour rejoindre Hugo, 21h02, voilà, on va reprendre tranquillement l'antenne, 21h05-06, et on va enchaîner tout droit vers 22h30 et le foot. C'est parti avec Kaigo tout de suite, c'est Say, Say, Say, à tout de suite. McCartney, Michael Jackson et Kaigo pour ce titre Say, Say, Say pour cette deuxième pause. Dans quelques secondes, nous retrouvons Hugo pour la page foot hein, jusqu'à 22h30. On est tout droit pour cette deuxième partie d'émission. C'est terminé donc l'équipe de France qui s'impose 74-64 dans ce deuxième match de qualification à l'Euro 2025. Donc les Bleus sont en tête de ce groupe. Désormais, il restera encore 4 rencontres, je vous le disais, en novembre, une nouvelle trêve. et en février prochain pour la dernière partie. Voilà, il restera encore encore du temps avant de retrouver les Bleus dans cette dans cette partie, et puis bien avant évidemment on aura les Jeux Olympiques à retrouver pour l'équipe de France. Les directs eh bien ça se poursuit avec l'ouverture du score de Caen très tôt dans le match, qui mène 1-0 du coup sur sa pelouse face à Angers. Et puis dans l'autre rencontre, les autres rencontres, puisqu'on a tout à démarrer, ça y est, on a donc West Ham Brentford, c'est en Angleterre, ça y est, depuis 3 minutes c'est parti. Et bien donc 0-0, donc 0-0 toujours, ouais, c'est ça, 3 minutes de jeu. Et puis en Espagne, Gérone Rayo Vallecano. Eh bien, 0-0 aussi, ça partit depuis 3 minutes. Et enfin, en Italie, eh bien, on a là aussi le direct de la soirée entre la Fiorentina et la Lazio, 0-0 aussi après 19 minutes de jeu. Alors qu'un peu plus tôt, je rappelle la victoire de la Roma qui a battu le Torino. Voilà les directs que l'on va suivre toute la soirée. On retrouve Hugo normalement dans quelques secondes, le temps que la bascule se fasse avec le transfert. J'espère que tout va fonctionner cette fois. On va tenter de remettre tout ça au point. Si tout fonctionne, j'espère que c'est pas gagné, je crois, pour récupérer Hugo ce soir. On va tenter de le récupérer. Non, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est les petits soucis des directs. J'espère que on va pouvoir récupérer Hugo. C'est pas fait. Hein. J'ai l'impression que le standard ne fonctionne pas comme il faut ce soir. On va tenter de faire la bascule en direct et de retrouver Hugo. Je l'espère pour cette partie foot. Hein. Voilà, c'est les directs qui se met en place toujours. Est-ce qu'on a Hugo? Allô, allô? Non, on n'a pas Hugo. On va marquer une petite pause, le temps de retrouver tout ça, et on se retrouve juste après pour retrouver Hugo. Le temps de faire tout ça, les manips, et on se retrouve après. Allez, juste après, une toute petite pause, le temps de refaire le point avec le standard. C'est parti, à tout de suite. connexion avec Internet. Visiblement, on a réussi à récupérer Hugo. Allô, allô. Ouais, Rémi. Oui. Ah, si je t'entends bien. Attends. On a Hugo. Vas-y. Parle un petit peu, vas-y. Oui. Vas-y. Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que c'est... Est-ce ouais, que... ouais, ça va. C'est bon. Ça va. Je t'entends bien. Bon, voilà, on a réussi à régler le problème. Désolé pour cette petite interruption. Est-ce que... Comment ça va déjà? Eh ben écoute, ça va très bien. Alors j'ai mis le match West Ham Brentford en face de moi. Il vient d'avoir un but de Brentford. Du coup, je l'ai loupé comme on était en réglage technique. Donc ça fait 2-1 pour West Ham déjà. Alors qu'il y a même pas un quart d'heure de jeu hein, déjà. Donc 2-1 pour West Ham oui. contre Brentford. Voilà. Donc alors j'ai vu aucun des trois buts, mais bon, en tout cas, ça va être un gros match pour l'instant. Mais ça va très bien en tout cas. Et toi aussi, j'espère. Ça va nickel, impeccable. Donc bah 2-1 pour West Ham. Du coup. Ah oui, il a un doublé en deux minutes, ouais. Ouais. 1-0 aussi entre Caen et Angers pour Caen et puis sinon Gérone Rayo Vallecano 0-0 et Fiorentina Lazio 0-0. Très bien. On a perdu un petit peu de temps mais on va démarrer le programme. Donc avec pour le coup on a évidemment la Ligue des Champions. On va parler aussi des clubs français. Bah avec 1 sur 4, hein. Voilà, on en avait parlé, ouais. 1 sur 4, voilà, on en parlera. Et puis, bien sûr, notre tour d'Europe avec les matchs du week-end et puis la Ligue 1 pour terminer. Et puis, on parlera aussi du match en Angleterre entre Liverpool et Chelsea. C'était la finale de la League Cup aussi, hein, qui avait lieu aussi hier. Voilà le programme de la soirée. Et puis, bah, évidemment, les directs, on continue de les suivre. Et puis, tu nous tiens informés si ça bouge. West Ham Brentford, mais ça a l'air de démarrer très fort. Très très fort. Je te dis, là, on va à peine arriver à la 15e minute, justement. Et il y a déjà 2-1 donc pour West Ham. Donc, très très fort le début de match. Très bien. Bon, bah, on suit ça, un fil rouge tout au long de la mission. Ligue des Champions, c'était la suite la fin des 8e de finale aller, cette deuxième semaine. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on regarde bien tous les 8e, de cette semaine, bah, rien n'est joué en fait. Hein, on va en parler, mais les 4 matchs qui ont lieu, bah, tout est encore jouable pour le retour. C'est notamment le cas pour ce FC Porto Arsenal. Alors, on avait parlé, on s'était dit voilà avantage Arsenal largement. Et bah, finalement Arsenal qui est surpris dans cette rencontre et qui s'incline 1-0. Du coup, en toute fin de match hein, et du coup qui devra faire le job à l'extérieur bon, qui sera pour le coup à domicile. Ouais, bah, comme tu disais hein, la semaine dernière on disait ouais, gros avantage Arsenal évidemment par rapport à bah, déjà, sur le papier et puis même au niveau de la forme actuelle etc. Arsenal qui joue le titre en première ligue et puis voilà Porto qui est un petit peu en retard on va dire dans le championnat portugais donc ouais il y avait un énorme avantage à Arsenal où on se disait bah voilà bon Porto ça doit être une belle équipe une équipe habituée à l'Europe depuis bah, des années et voilà on se disait qu'Arsenal allait normalement en tout cas s'imposer là-bas après c'était ce qui était le plus logique. Et au final, voilà, non, c'est un match pas forcément sympa à suivre, hein. C'est un match relativement fermé. Et ça s'est joué vraiment sur, voilà, sur une dernière action en tout fin de match à la 90 plus 4. Où il y a eu ce but ouais, donc de Galeno pour Porto. Donc forcément c'est un résultat, ouais, surprise. Voilà, Porto qui remporte ce match aller. Alors ça va être très compliqué, je pense, mine de rien, là-bas à Londres, dans le stade d'Arsenal, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, Porto a quand même ce petit avantage. Après, je pense toujours que le favori reste Arsenal dans la qualification. Mais voilà, mais comme tu dis, ouais, la semaine dernière, il n'y a aucun huitième de finale qui est réellement joué, on va dire. Même si, bon, voilà, dans le foot, surtout en vrai depuis 2017, hein, depuis la remontada du Barça contre le PSG, voilà, il n'y a jamais rien qui est joué à 100%. Non, mais là, pour le coup, c'est vrai que voilà, PSV Eindhoven, Dortmund, un partout. Sachant que je pense que c'est le huitième de finale de Ligue des Champions Le plus ouvert. le plus ouvert et ouais, le plus égalitaire, on va dire. Oui. Voilà, enfin, c'est vraiment deux clubs qui sont très très proches au niveau du jeu. Inter Atlético, c'est un peu pareil aussi finalement. Oui, c'est vrai. Inter, je pense, même si voilà, l'Inter, je pense qu'il est au-dessus cette saison, ils sont injouables, hein, rien qu'en championnat, voilà. Mais l'Atlético peut faire quelque chose chez eux au Wanda Metropolitano, donc rien n'est joué. Alors, petite juste au niveau de l'Atlético, Ouais. Bah, défaite et puis surtout blessure de Griezmann. Hein. Ouais, aussi. Donc ça peut jouer, on verra si peut-être sera à peu près d'aplomb, ou en tout cas, je sais pas si sera 100% au retour, mais voilà. Donc c'est sûr, c'est un coup dur forcément pour l'Atlético. Mais voilà, mine de rien, rien n'est joué, hein. Certes, Griezmann, c'est, j'allais dire, une des, mais même la pièce maîtresse, j'ai presque envie de dire, de l'Atlético. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Morata, il est rentré, je crois, peut-être au cours du match. Je vais vérifier rapidement. Morata est rentré à la Ouais, 54e, 54e, voilà. contre Senegal. Parce qu'il revenait de blessure également, Morata, donc il n'était pas encore apte à jouer Oui. 90 minutes entièrement. Mais normalement, si tout se passe bien, s'il ne se blesse pas d'ici là, en tout cas, il devrait être là à 100% pour le match retour, en tout cas Morata, et qui est très important. Il fait la meilleure saison de sa vie, hein. Je crois qu'il a 21 buts, un truc comme ça, ou en tout cas, il va battre son record personnel sur une saison de buts marqués. En tout cas, Morata, normalement, devrait être là pour le retour. Donc voilà, même si Griezmann ne sera peut-être pas là, ou peut-être pas à 100%, il y aura Morata aussi qui sera là, contrairement au match aller où il a joué bon, un bout de match. Non, voilà, rien n'est joué dans cette confrontation, qui était d'ailleurs très belle. Elle a tenu, mine de rien, toutes ses promesses, hein, ce match aller, même s'il n'y a eu que 1-0, entre guillemets. Ça a tenu toutes ses promesses. L'Inter a quand même dominé ce match. Mais voilà, et puis Naples-Barcelone, bon, le Barça a largement dominé les débats, hein. Même Naples, bon, on le sait, hein, c'est pas une grosse saison cette année, enfin, même une très petite saison par rapport, Oui. forcément, à l'année dernière et leur titre de champion d'Italie. Mais Naples qui a quand même su chercher le nul grâce à un but d'Osimhen. Alors c'est pas forcément mérité, comme je l'ai dit, mais mine de rien, voilà, ça fait un partout, donc rien n'est joué non plus. Même si je pense qu'aussi que voilà, le Barça reste favori, même s'ils font pas une grosse saison non plus, le Barça. Mais le Barça reste au-dessus. Ouais, un effet. Voilà, sur une action, sur je ne sais quoi, un Osimhen, même un Balotelli qui est pas en grande forme non plus cette saison, ça peut tout changer. Donc voilà, comme tu dis, rien n'est joué. Et même si tu prends l'ensemble des huitièmes Des de finale, huitièmes. ouais, en vrai, il y a quoi? Il y a City, City, je c'est pense, quasiment ouais. fait. Ouais. Et puis peut-être le Real, mais enfin, il y a encore, mais le Real, je pense que chez eux, ça devrait le faire. On pourrait aussi dire le PSG, Ouais, parce que voilà, j'allais mais dire, le ouais. PSG, ouais, mais le PSG. Les huitièmes de finale, enfin les matchs retour, pardon, en Coupe d'Europe, on sait qu'on ne doit pas non plus s'avancer trop avec le PSG. On a déjà eu assez de mauvaises surprises ces dernières années, donc voilà, mais bon, ça devrait le faire. Voilà. Mais je te dis encore une fois, les matchs retour en Coupe d'Europe avec le PSG, on sait que faut pas être trop confiant quand même à chaque fois. Oui, et puis Même quand on si. voit les derniers résultats en championnat, enfin, on en parlera Ouais. avec Rennes. Bon, voilà, on sent que c'est pas non plus du serein à fond, hein. Ouais, c'est pas la sérénité, oui, à 100%. Bon, c'est sûr, c'est pas, je sais pas, le Real Madrid comme il y a 2 ans, c'est pas le Bayern, enfin voilà, tout ça. Bon, ok, c'est la Real Sociedad, qui d'ailleurs a perdu ce week-end, on y reviendra tout à l'heure, Oui. mais Mais il ne faut jamais trop s'avancer avec le PSG en match retour de Coupe d'Europe. Mais bon, ça devrait le faire, voilà. Mais voilà, sur l'ensemble des huitièmes de finale, la plupart des choses sont pas faites. Et même si on n'a pas toujours pris du plaisir dans tous ces matchs allés, enfin, on n'a pas eu que des matchs ouverts, que des très beaux matchs, non. Mais je pense que justement, les matchs retour, ça va valoir le coup, quasiment pour chacune des confrontations. Donc ça va être vraiment très, très, très, très sympa à suivre. Et ça va nous réserver, je pense, encore de belles surprises. Ouais, rendez-vous, dès la semaine prochaine. Semaine prochaine, hein. Ouais, semaine prochaine. Ouais. Pour le Real, Paris notamment, et puis donc City, Madrid, et le Bayern. Lazio-Bayern. Exactement, ouais. Qui nous intéresse. Ce qui nous intéressait surtout cette semaine, c'était la Ligue Europa, puisqu'on avait quatre représentants français qui pouvaient se qualifier. Ouais. L'un seul de ces quatre s'est qualifié, c'est l'Olympique de Marseille, qui a fait le job à domicile face à Donetsk, qui a été surpris pourtant très tôt, hein, dès la deuxième minute, ouverture du score sur penalty de Donetsk, et puis très vite, en fait, ça s'est inversé avec Aubameyang d'abord, et puis en fin de deuxième période, la différence a été faite avec Sarr, avec Kondogbia, et ça permet de se qualifier, et en plus c'était la première de Gasset, on en avait parlé. Ça s'est bien passé finalement. Ouais, c'était très bien passé, comme tu l'as dit. Début de match, on va dire premier quart d'heure, voire les 20 premières minutes, compliqué. En tout cas, le Shakhtar nous a posé problème, et comme tu l'as dit, ils ont ouvert le score sur penalty, sur un penalty de Soudakov. Le Shakhtar qui montre de belles choses, malgré encore une fois la situation géopolitique autour. L'OM a su renverser la tendance, on va dire, oui, à peu près à partir de la 25e minute de jeu, même si le Shakhtar nous a reposé un petit peu quelques problèmes un petit peu après, globalement on a su maîtriser le match, et c'est quelque chose qui fait du bien à l'OM, hein. Oui. Voilà, on le sait sur la série sur laquelle on était, je rappelle, je suis supporter marseillais, mais voilà. Donc sur la série négative sur laquelle on était. Oui, alors sur ce premier match de Gasset, qui avait pris les commandes du groupe deux jours avant, à peine. C'est ça, oui. Ouais, il n'y a pas eu vraiment de patte Gasset, en tout cas tactiquement parlant, sur le terrain, mais je pense que le boulot a été fait en coulisses. En coulisses, on a appris que Gasset a voulu rencontrer, peut-être pas tous les joueurs à 100% un par un, mais en tout cas déjà les cadres. Et puis ensuite, peut-être ceux qui étaient un peu moins bien aussi. Donc je pense que le boulot a été fait en coulisses, et que mentalement, au niveau du mental, au niveau de plein de choses, du moral, ça a joué beaucoup. Ça a joué beaucoup. Et puis évidemment, tactiquement quand même, je dis qu'il n'y a pas eu la patte Gasset, mais Gasset a eu la présence d'esprit, mais que Gattuso aurait dû avoir bien plus tôt, de remettre en place ce 3-5-2 qui avait déjà fonctionné en début de saison, et qui a refonctionné là, et on va en parler tout à l'heure, mais également ce week-end. Hier aussi, oui. Également hier, donc contre Montpellier, on en parlera tout à l'heure. Déjà, c'était un match qui a fait du bien globalement pour le groupe, et évidemment pour la qualification en huitième de finale de Ligue Europa. C'est un beau match, c'était un très beau match. L'OM a fait le job. On a pu avoir des petits frissons, où on a peut-être un petit peu tremblé en début de match avec cette ouverture du score sur penalty du Shakhtar. Où on s'est dit que mince, ça va jamais nous quitter, tu vois, cette poisse ou ce truc-là. Mais on a su réagir, donc c'est le principal, et on a quand même fait le job. Donc en tout cas, c'est nickel pour l'OM, qui s'est relancé grâce à ce match-là. Et puis maintenant, place aux huitièmes de finale contre le Villarreal de Marcelino. Et ouais, retour à l'OM pour Marcelino, ça va être particulier. Ça s'annonce très très chaud parce que déjà on garde pas un bon souvenir de Marcelino, ouais, en soi, parce qu'il a rien apporté en début de saison, on va dire. Mais c'est pas ça le pire, c'est les mots qu'il a eu après, quand il est parti de Marseille, les mots sur le club ou sur tout ça. Alors sur la direction, c'est une chose. Dire des mauvaises choses sur la direction de l'OM, c'est une chose. Ça n'a rien à voir avec la ville, ça n'a rien à voir avec le passé historique de Marseille par rapport au foot. Mais il a quand même dit que, j'ai plus les termes exacts, donc je vais pas trop m'avancer, que Marseille, c'était perdu d'avance, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de nanana, c'est pas forcément une ville de foot. Il y a eu plein de choses de dit. Ça s'annonce pimenté, en tout cas son retour au Vélodrome. Dès le match aller, si je me trompe pas, le match aller, c'est au Vélodrome. Exactement, ouais. Ouais. Donc, on sait que des fois, c'est pas... Des fois, la semaine prochaine, hein. Et c'est la semaine prochaine, du coup. Ça arrive très vite, hein, ça arrive très vite. Hein. Ouais, non, mais ça arrive très vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas être trop confiant non plus, mais faut pas laisser retomber la dynamique actuelle. Mais en tout cas, voilà, c'est mieux de jouer à domicile les matchs retour. Oui. Où le match aller se passe pas forcément bien ou quoi que ce soit. Mais là, pour le coup, il va falloir faire le job directement. Il va falloir vraiment s'imposer, c'est très important. Même si en soi on a été entre guillemets heureux pour le tirage, parce que Villarreal fait pas une grosse saison et puis on aurait pu taper le Bayer Leverkusen ou Liverpool. Ouais, c'est vrai que le tirage voilà. Pour le coup a été abordable. Voilà, on va dire par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, c'est abordable, mais voilà, va falloir faire le job là-dessus, mais sachant qu'aussi voilà, peut-être Marcelino il va dire à ses gars de Villarreal, voilà, j'ai un sentiment de revanche aussi par rapport à l'OM. Et oui. Ah, voilà, tu vois, il y a plein de choses. Oui, il y a un contexte qui va être particulier, ouais. Il y a un vrai contexte très très particulier des deux côtés, du coup. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire le job dès le match aller, mais en même temps, ne pas se laisser submerger par les émotions. C'est ça. Donc ça va être ça tout le travail de Gasset et des joueurs. Mais en tout cas, ça promet une double confrontation chaude et intense. Quoi. Ouais, donc rendez-vous jeudi prochain, du coup, pour le match aller. Et ensuite, la semaine suivante, déjà le retour, hein, ça va s'enchaîner très très vite. Donc les autres matchs, bon, on avait ce Rennes-Milan AC, on en avait parlé, ça allait être compliqué. Bah, Rennes a fait une partie du boulot, c'était de marquer trois fois, ouais. Par intermédiaire de Bourigeaud, mais dans le même temps, Marc a été rejoint deux fois aussi, donc ça fait quand même une victoire de prestige, mais ça reste une élimination, mais voilà, quand même un beau match à domicile qui a fait plaisir aux supporters et. Et un Bourigeaud qui s'est fait plaisir aussi avec ce triplé. Voilà, mais malheureusement, c'était but, c'était trop, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'était un match un petit peu spécial. Tout le long du match, on va dire que bon, Milan n'a pas joué le coup à fond. On le sentait bien. Hein. Ouais. Alors, je dis pas que Rennes doit ses trois buts parce que Milan laissait jouer. Non, il faut les marquer quand même, les trois buts. Hein. Bon, il y a eu deux pénaltys. Oui. Mais mine de rien, faut les marquer, faut les provoquer. C'est ça. Bourigeaud, faut mettre un triplé au Milan AC quand même. Hein. Il l'a dit en fin de match. Hein. Ça reste une de ses performances dans sa carrière qui va vraiment garder. Ah, qui va rester. Ouais. Qui va rester, hein, mine de rien. Encore une fois, il y a eu 3-0 pour Milan à l'aller. Il y a tout ce contexte-là, mais faut mettre trois buts à Milan et forcément, c'est une très bonne performance historique dans sa carrière. À Bourigeaud, et même j'ai même envie de dire presque historique aussi pour le club de Rennais, pour le club, hein, mais voilà, c'est vrai que Milan a pas joué le coup à fond, même quand c'était mené, ils ont su réagir, mais c'était toujours un peu avec le pied levé, ça n'a jamais été vraiment la catastrophe dans le camp milanais, mais pour être honnête, il y a plusieurs fois où on se disait, il y a la place. Ouais, c'est vrai. Il y a la place d'aller décrocher l'exploit. Même quand il y avait 2-1, même quand il y avait 3-2, on se disait, Rennes a eu les occasions ensuite. Ouais, pour marquer au moins une fois. Ouais, ouais, quand il y avait 3-2, même, parce qu'il y avait 3-2 dès entre guillemets, la 68e minute. Il restait du temps. Il restait du temps et Rennes a eu les occasions pour au moins aller chercher le 4e. Et puis du coup, imaginons qu'il y a eu le 4e but. Après, tout est arrivé derrière, ouais. Voilà. Donc. Rennes aurait pu la chercher, ça reste le Milan en face. C'est le match aller où ils sont vraiment passés à côté et ça a tué un peu la double confrontation. Enfin, ça a tué le suspense. Le suspense, voilà. Donc on peut retenir que oui, sur ce match retour, Rennes a en tout cas sort avec les honneurs. Je pense qu'on peut quand même dire ça. Et puis, ça reste un match qui va rester un petit peu historiquement dans l'histoire du club. Et qui peut compter pour la fin de saison aussi, parce que là, il y a des. Maintenant, c'est tout pour le championnat et ça peut être un match qui peut servir pour les matchs restants, là. Ouais, bien sûr. Et puis, on le dit, depuis une semaine, ils sont sur une très bonne série de bons résultats, en tout cas sans défaite. Bon, si on met de côté, évidemment, la défaite 3-0 au match aller, ouais. Mais ça reste un match à domicile où ils ont gagné contre Milan et où ils ont montré quand même une force de caractère, etc. etc. Donc, et du beau jeu aussi. Donc ça reste un résultat positif en tant que tel sur 90 minutes. Évidemment, sur la double confrontation, non. Mais on va retirer le positif sur ce match-là. Et bravo à Rennes quand même pour leur pour le parcours, petit parcours, pour leur petit parcours. Mais voilà, on peut leur dire félicitations quand même pour ce match retour. Alors après, les deux derniers matchs avec des regrets, on commence avec Toulouse-Benfica. Ouais. Bah, Toulouse qui est pas passé très très loin de pouvoir aller chercher au moins une prolongation. Hein. Il y a eu beaucoup d'occasions et bah, il manquait toujours ce dernier geste pour essayer de marquer. Et il peut y avoir des regrets hein, pour Toulouse qui aurait pu aller chercher quelque chose. Ouais, mais je te dis, je veux utiliser le terme énormément de regrets parce que ouais, ils ont dominé ce match. Voilà, ils ont subi quelques actions, quelques occasions, mais non, ils ont vraiment dominé cette équipe de Benfica. J'ai plus vraiment exactement les actions en tête du TFC, mais ils avaient vraiment les occasions pour tuer, pour marquer. C'est passé 3-4 fois vraiment de peu. Taper une fois le poteau aussi, il y a eu un poteau. Je me rappelais plus, tu vois, mais tu me le rappelais. Ouais, il y avait un poteau, mais il y a eu plein d'arrêts. Enfin, non, il y a eu des grosses occasions. Et ouais, c'est ça, il manquait vraiment la finition, quoi. Enfin, vraiment ce dernier geste. Et Toulouse peut avoir des regrets parce qu'ils ont tué le Benfica pour moi dans ce match. Ils ont vraiment ultra dominé ce match. Il y avait vraiment la place. Tout le long du match, tu sais, c'est pas qu'une séquence où ils ont eu un quart d'heure de jeu, ils ont tiré 4-5 fois au but, non, c'est vraiment tout le long du match, ils ont eu des occasions, même jusqu'au bout du bout, c'est vraiment dommage pour eux, surtout dans une saison un petit peu compliquée, en tout cas pour eux en championnat, oui. Même en Coupe de France, du coup, ils sont fait sortir, mais ça aurait pu être la belle histoire aussi, hein, en plus de battre Liverpool en poule, voilà, et puis battre Benfica, encore une fois, à domicile. Ça aurait été une histoire dingue. Malheureusement, le destin a décidé autrement. Mais voilà, on va dire que Toulouse, comme Rennes, sort avec les honneurs. Mais j'ai l'impression que c'est typiquement français. Ouais, ouais. J'allais le dire, et surtout avec le match dont on va parler après, Lens, où c'est un peu symptomatique de les Français. Bah, Lens, c'est peut-être le plus gros regret hein, du week de la semaine. C'est l'élimination en prolongation, alors que Lens savait tout, hein, menait 2-0 à la mi-temps, s'est fait rejoindre, comme souvent les clubs français se font rejoindre, mais avec un but en toute fin de match aussi. C'est cruel, hein, c'est cruel ça. C'est cruel et pour autant, comme toi, comme tout le monde, je pense, j'ai pas vraiment regardé le match en direct, quelques bouts, mais j'ai vu 2-0 à la mi-temps sur mon téléphone, je regarde 2-0 mi-temps. Enfin, même 1-0, 2-0 mi-temps, je dis ok, bon, ça devrait le faire. Lens, ça a l'air costaud, là, ce match-là. Et puis justement, si on reste sur le côté remontada, on va dire, je voyais pas Lens être victime de ça, tu vois. L'esprit lensois, le caractère lensois, je pensais quand même qu'il tiendrait le coup. Même s'il prenait un but, et finalement, il y a eu un but. L'égalisation, la 93e, enfin, 90+3. Je me dis aïe, l'égalisation, je me dis aïe, parce que c'est pas chez eux, parce que c'est là-bas, parce que le public va pousser pour Fribourg. Je me dis aïe, 2-2, prolongation, oui, ça pue un peu. La dynamique change, quoi, après. Ouais, et puis après, la seconde mi-temps, quand même, elle a été ultra dominée aussi, pareil, par Fribourg. Hein. Il y a eu plein d'offensives hein, des Allemands. Hein. Donc, ça leur pendait au nez à Lens. Hein, et voilà, et puis ce but à la 99e aussi, mais là, on s'était déjà presque... Oui, ils ont eu quelques occasions en prolongation, mais je sais pas, et voilà, ils étaient presque sortis de leur match, entre guillemets, en tout cas, en prolongation, mais c'était sûr que ça va être compliqué, peut-être physiquement, mais aussi forcément mentalement, avec le public qui pousse pour Fribourg, et puis Fribourg qui croit de plus en plus au fil des minutes, donc... Et qui joue à domicile aussi, avec le soutien du public, quand même. Ouais. Ça, c'est sûr, ça a joué. Donc c'est dommage pour Lens. Est-ce qu'on peut dire qu'il repart avec les honneurs? Je sais pas, mais bon, c'est dommage aussi. On a quasiment des regrets pour chacun, en fait. Quand tu vois les trois belles performances qu'ils ont fait quand même, mine de rien, sur ce match retour, on peut avoir des regrets pour les trois matchs, mais au final, voilà, encore une fois, c'est le résultat final qui compte. Hein, donc, ouais, c'est qu'on tiendra. Donc voilà, mais c'est comme ça. Alors, les huitièmes de finale, donc c'est la semaine prochaine, on l'a dit. On aura Sporting, donc Alton de Bergame, Aroma Brighton, Sparta Prague, Liverpool, Karabakh, Leverkusen, ça sent très bien du coup, Leverkusen, Fribourg, West Ham, Benfica, Glasgow, Marseille, Villarreal et Milan AC, Slavia Prague. Donc deux clubs de Prague, hein, le Sparta et le Slavia. Donc les matchs c'est jeudi prochain, hormis Sporting face à l'Atalanta, parce que Sporting qui le Sporting qui partage son terrain, sa pelouse, du coup avec un autre club, et du coup bah ils peuvent pas jouer en même temps, donc le Sporting jouera la veille le mercredi. Et l'autre club qui partage, je sais plus qui c'est par contre, je sais pas si tu te rappelles toi. Non, ça me dit rien même, tu vois. Enfin, ça me dit rien, mais ok. Ouais, en tout cas, il y a un autre stade qui est partagé par ce club. Je sais plus c'est qui. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que pour le coup, ce sera la veille. Et le lendemain, on aura l'autre club qui joue à domicile, qui devra prendre le terrain. Donc voilà, ce sera un petit peu décalé. Sinon, eh bien, on va marquer une pause. Du coup, après cette première partie et ce débrief européen, et on va revenir après tranquillement pour revenir sur la semaine européenne dans les clubs, dans les championnats, et ensuite on aura la Ligue 1. Pour finir, on marque une pause donc. On a une petite musique qui arrive normalement, qui a été préparée par Hugo. Si, bien sûr. Ah oui. Bien sûr, un vrai classique de la musique, on va dire, la musique. Hotel California des Eagles. Ah oui, c'est très bien. Bon, c'est très bien. Ah ouais. Alors là, voilà. Très bon choix. Ah, merci. Ça va nous laisser un petit peu de temps. Reposez-vous, il y a 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. Et on revient après. Les directs, ça bouge. Hein. Alors c'est la mi-temps dans quelques rencontres, notamment en Italie. L'Italie, c'est la pause avec 1-0 pour la Lazio face à la Fiorentina. West Ham 2-1 face à Brentford, 35e. Caen Angers, c'est la mi-temps aussi, 1-0 pour Caen. Et puis Gérone Rayo Vallecano, 0-0, 37e. On écoute ce titre, on se retrouve juste après pour la dernière ligne droite de l'émission. À tout de suite. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Eagles, à l'instant pour Hotel California. Et on est de retour pour la dernière partie, dernière ligne droite jusqu'à 22h30. On est toujours avec Hugo et qui est avec nous par téléphone. On est ensemble donc encore trois quarts d'heure. On va revenir sur les directs toujours qui sont en cours. Ça va repartir dans quelques minutes pour la Ligue 2, pour l'Italie aussi. Et puis ça va être la mi-temps par contre en Angleterre et en Espagne. Du coup, ça n'a pas bougé donc depuis tout à l'heure. On parlait de tout à l'heure donc de des matchs de la semaine prochaine en Ligue Europa. Il y aura aussi Lille qui va revenir en jeu. Hein. Bah oui, du coup, ouais. Après ce moment. Ce moment où voilà, ils n'ont pas joué puisqu'il y avait une qualification déjà en poche pour les huitièmes. Donc Lille connaît son adversaire, ce sera le club de Sturm Graz, les Autrichiens. Bon, plutôt un bon tirage. Enfin, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de gros clubs à éviter, mais ça semble dans les cordes de Lille quand même. Ben, j'espère, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Après, encore une fois, la Coupe d'Europe les Coupes d'Europe nous ont appris à toujours être méfiants vis-à-vis des adversaires des clubs français, donc même les plus faibles, on va dire, ou les plus inoffensifs sur le papier. Après, voilà, oui, maintenant, voilà, si Lille ne se qualifie pas, pour moi, ça reste une faute professionnelle, tout simplement. Donc voilà, globalement, ils doivent gagner, ils sont favoris. Voilà, je tombe grâce et à sa place, en tout cas en championnat, hein, ils sont deuxième championnat autrichien derrière Salzbourg, bien sûr. Enfin, ils sont qu'à deux petits points de Salzbourg en tout cas, mais voilà, Lille est largement favori et doit le faire en tout cas contre cette équipe-là. Donc sachant que ouais, le match aller semaine prochaine, ce sera en Autriche. Oui. Du coup, et donc match retour à Pierre-Mauroy à la maison. Donc voilà. on espère que Lille va le faire, mais il devrait le faire. Mais on sait que des fois, si Jonathan David n'est pas dans un bon soir, des fois ça peut mal tourner pour Lille, parce que des fois ils sont beaucoup trop dépendants de ce joueur-là, de cette individualité-là. Donc voilà, mais on reste confiant pour Lille, mais on peut toujours se méfier. Mais ça devrait le faire évidemment pour le LOSC. En tout cas, on leur souhaite de tout cœur. Alors il fallait éviter quand même. Il y avait Olympiakos et l'Ajax qui ont été évités. C'est plutôt un terrain abordable. Est-ce qu'ils pouvaient tirer Aston Villa ou pas, Lille? Non, Aston Villa était déjà qualifié en quart. Okay. Il avait fini premier. Hein. Ouais, donc c'était vraiment. Fallait éviter l'Ajax et l'Olympiakos. Ouais. Donc c'est plutôt un tirage qui est important. Parce que l'Ajax, comme on l'a vu en poule de Ligue Europa avec Marseille, l'Ajax, c'est pas une grosse saison. Hein. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux tirer Stromgras que l'Ajax, hein, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, voilà. Globalement, mine de rien, on regarde un petit peu dans cette Ligue Europa Conférence. Il n'y a pas de réel gros favori, gros adversaire, on va dire. Lille a la place d'aller au bout, mais il faut mettre tous les ingrédients, quoi. Vraiment. C'est clair. Peut-être pour la suite, Aston Villa peut être un petit peu favori, honnêtement. Aston Villa, pour moi. Peut-être Fenerbahçe, peut-être la Fiorentina et encore. Mais non, il y a la place pour Lille, hein. Franchement. S'ils font le job comme il faut, Lille peut aller décrocher, pourquoi pas, cette Coupe d'Europe, hein, je pense. Oui, il y a la place, c'est clair. C'est clair. Après, il y a un championnat aussi à jouer, donc c'est vrai que ça peut faire beaucoup. C'est sûr, mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. On a toujours tendance à dire ça, mais. Pardon. Je crois qu'il y avait but. C'est les ralentis. Oui, d'accord. C'est un ralenti, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Je ne suis pas à voir. Mais c'est pareil pour tout le monde, dans tous les championnats. Hein. Lille doit jouer le championnat et la Coupe d'Europe. Les autres clubs aussi, mais je veux dire, pour le coup, Lille, ils sont vraiment en course pour la qualification européenne et pas plus que jamais, quoi. Ils sont vraiment dans le coup, quoi. Bien sûr, mais tout est possible. Hein. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. C'est pas inatteignable pour des joueurs professionnels de jouer des fois deux matchs par semaine. Et voilà, faut pas non plus abuser. Certes, il y a souvent trop de matchs dans une saison d'un joueur professionnel, c'est sûr. Mais voilà, faut pas abuser. Ligue Europa Conférence, Ligue 1, faut jouer les deux tableaux. C'est jouable. Hein. Faut pas, c'est dans les cordes, c'est clair. Voilà, c'est dans les cordes. Voilà. Eh bien, passons au débrief européen donc du week-end. On va débarquer avec l'Allemagne, comme chaque semaine en la Bundesliga. Eh ben, on parlait du Bayern tout à l'heure, qui jouait dès vendredi. Et nouvelle victoire du Bayern. Ça n'a pas été forcément très très simple face à Mayence. Longtemps ils ont été accrochés, mais ils ont enchaîné encore une victoire, encore un match invaincu. Ça conserve l'avantage sur le Bayern. On en parlera, qui a gagné aussi. Mais voilà, le petit bonhomme de chemin avance encore pour le Bayern et c'est encore un match de moins qui leur permet de s'approcher un peu plus du titre. Et Bayern, plus que jamais, voit son titre menacé plus que jamais là avec cette nouvelle victoire. Ah bah ouais, de toute façon ça fait déjà une semaine sûre, mais déjà même quelques semaines qu'on le dit, hein, là, le Bayern ça se concrétise hein, petit à petit, il reste comme t'as dit invaincu, il continue de gagner, ça reste également une très belle équipe qui joue très bien son football grâce notamment à Xabi Alonso sur le banc, donc encore trois très bons points de prix contre Mayence, pas grand chose à dire hein. Avant que le Bayern joue ce week-end, ça fait déjà 11 points d'avance du coup pour les Leverkusen. On va y venir, mais donc le Bayern Munich qui a gagné donc quand même ce week-end dans un choc de championnat, mais ouais, les Leverkusen qui continue son petit bonhomme de chemin comme tu dis et qui est toujours invaincu et voilà, pour l'instant il file tout droit vers le Graal et honnêtement plus les semaines passent plus je me dis qu'est-ce qui peut les arrêter. Mais ils peuvent jouer. Le championnat, ça semble bien bien parti, même s'il reste des matchs. La Ligue Europa, ils ont gagné tous leurs matchs en poule. Ouais, merci. Il reste après Liverpool, c'est vrai peut-être, comme gros danger. Après, ils sont en demi-finale de la Coupe d'Allemagne, donc c'est déjà presque fini. Donc c'est vrai qu'ils peuvent réaliser faire un gros gros coup quand même cette saison. Ouais, et puis ouais, il peut réaliser une grosse saison, hein. S'il va un petit peu au bout partout, ça pourrait être une saison historique, hein, vraiment. En tout cas, on leur souhaite, hein, mais en tout cas, jusqu'ici, si on reste sur le championnat, sur la Bundesliga, pour l'instant, c'est quasi parfait, hein. Comme on a dit, invaincu, 19 victoires, 4 nuls, plus 43. Incroyable. De goal average. C'est très très beau. Non, pour l'instant, tout va bien, et je te dis, hein, franchement, je le vois comme ça, je vois pas ce qui peut vraiment les arrêter, quoi. Enfin, en tout cas, perdre leur grosse marge sur le Bayern. Ça me paraît, ouais. Peut-être, ils ont peut-être un ou deux jokers max, mais bien sûr. Mais le Bayern, encore une fois, rien ne nous dit que le Bayern va gagner tous leurs matchs. À condition que le Bayern gagne tout. Hein. C'est ça. Bien sûr. Et vu ce qu'on voit depuis le début de saison, le Bayern n'est pas à la rue, mais y a plusieurs matchs où ils ont perdu beaucoup de points. La preuve, ils sont à 8 points donc maintenant de Leverkusen. Donc, rien ne dit que le Bayern va gagner tous ses matchs jusqu'à la fin. Donc, le Bayern a au moins un ou deux jokers, mais sachant que, encore une fois, vu comme je les vois, comme on les voit depuis plusieurs semaines, je les vois pas craquer, ouais. Craquer ou perdre 2-3 matchs d'affilée ou perdre beaucoup de points. Tu vois, ça peut arriver, bien sûr, hein, je dis pas, hein, mais pour l'instant, les Leverkusen, ils sont vraiment sur le bon chemin et à moins miracle, du coup, voilà, je vois pas si tu peux les empêcher d'aller soulever ce trophée, cette assiette de la Bundesliga. Alors, le Bayern, on en parlait, qui a gagné 2-1, c'était le choc, hein, face à Leipzig, mais pareil, ça a été. Ça a été compliqué et il a fallu se remettre à Harry Kane cette fois, encore une fois, et c'est poussif encore, hein, quand même, même si ça gagne. Ouais, c'est un petit peu poussif. Leipzig qui, encore une fois, est une belle équipe aussi cette saison, même s'ils ne font pas leur saison, la saison de leur vie, mais très belle équipe, hein, Leipzig, entre Sesko, qui a d'ailleurs marqué pour Leipzig contre le Bayern, Loïs Openda, Xavi Simons, etc. Daniel Mo, bref, en tout cas, là, j'ai envie de dire le quatuor offensif, on va dire, de cette équipe, mais non, c'était très serré, ouais, durant tout ce match, et puis, ouais, il a fallu un doublé d'Harry Kane, et dont le deuxième but, enfin, le second but qui est arrivé à la 90-1, ouais. Voilà, qui a libéré le Bayern, et qui d'ailleurs a réalisé sa 27e réalisation de la saison, quand même, hein, mine de rien, faut le dire. C'est fort, c'est. Largement meilleur buteur avec presque 10 buts d'avance sur Gyurassi qui est deuxième, c'est fou, hein. Ouais. Voilà, donc on a beau dire que le Bayern est on va dire malade par rapport à ce qui nous par rapport à ce qu'on a habitué chaque saison par le Bayern, donc on a beau dire qu'ils sont malades ou que voilà ça va pas trop bien cette saison et qu'il y a le syndrome peut-être Harry Kane, la poisse Harry Kane en tout cas, ouais. De pas gagner de trophée, on a beau dire ça. Voilà, sur le plan comptable et si on est raisonnable, Harry Kane, ça reste l'un des, si ce n'est le meilleur neuf, en tout cas le meilleur buteur pour moi au monde, le meilleur finisseur, peut-être avec Erling Haaland, j'en sais rien. Mais je parle de neuf pur, hein, ouais, bien sûr. Je mets Mbappé de côté, hein, par exemple. Hein. Voilà. Mais il montre qu'il est encore là. C'est 27e réalisation cette saison, c'est gigantesque, hein, quand même, faut le dire. Hein. Mais voilà, ça reste une victoire qui fait du bien contre un adversaire de prestige en championnat qui ont des ressources, hein, Leipzig, donc c'est quand même 3 bons points de prix, certes un petit peu à l'arraché, mais ça reste 3 points qu'il fallait prendre vraiment maintenant, parce que là, si tu laissais encore filer des points pour les Leverkusen, ouais, là, ce serait vraiment quasiment à 100% terminé. Hein, donc, ça reste un bon résultat pour le Bayern, pas forcément avec la manière. Mais en tout cas, ça reste 3 points de prix extrêmement importants. Donc voilà, ça fait que le Bayern est encore quand même à 8 points, comme on l'a dit, de Leverkusen. Mais on va dire que c'est encore jouable. Moi, c'est ça comme ça. Alors derrière, donc, le Stuttgart recevait Cologne, donc, un partout. Et aussi, l'équipe qui a perdu beaucoup ce week-end, c'est Dortmund qui a perdu 3-2. À domicile face à Hoffenheim, mais qui du coup profite de la défaite de Leipzig pour rester quatrième. Mais cette dernière place qualificative à Ligue des Champions va valoir cher. Et en tout cas, elle devrait a priori se jouer entre Dortmund et Leipzig, même si Francfort n'est pas très loin. Mais a priori, ça devrait se jouer entre ces deux ou trois là. Et donc voilà, c'était les résultats du week-end. Et en bas, on retrouve. Alors là, ça se dessine vraiment là aussi. Hein, on va dire le barrage et la descente entre Mayence, Darmstadt, qui sont à 10 points maintenant, et Cologne, 17 points. Voilà, on semble en tout cas connaître les trois qui vont se battre pour le barrage, hein, à mon avis. Et après, il y a une grosse, il y a 4-5 clubs qui sont vraiment très proches à un point. Mais voilà, en priori, ces trois-là devraient être les équipes concernées pour le maintien. Alors la semaine prochaine, on a donc la 24e journée. On n'a pas de grosses affiches encore, hein. Voilà, le Bayer se déplace à Cologne, qui est justement dont on vient de parler, qui se bat pour le maintien. Donc ça devrait normalement bien se passer. Le Bayern va à Fribourg, voilà, qui joue. Après, plus attention, attention peut-être. Hein, avec la dynamique du Fribourg, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, alors même si Fribourg est 9e, si je me trompe pas. C'est ça, ouais, qui est assez loin, qui jouera plus rien. Ouais, maintenant, ouais. A priori, voilà, ouais. Ça semble complexe. Dans le ventre mou, on va dire, ouais, du championnat, mais. Ouais, comme on a dit, dans la dynamique peut-être de la qualification contre Lens en Ligue Europa, peut-être que ça peut jouer. Et puis Bayern, comme on l'a dit, qui est pas trop en forme cette saison. Donc attention à ce match-là. On va dire que oui, il y a pas de grosse affiche la semaine prochaine, mais voilà, si on peut suivre peut-être ce match-là, faut suivre ce que le Bayern peut faire et voilà. Ouais, ça sera donc ce match-là vendredi ouais, pour ouvrir la journée. On file en Italie où on joue en ce moment donc la Lazio qui mène 1-0 à la Fiorentina. Et un petit peu plus tôt, la Roma a gagné 3-2 avec un triplé de Dybala. Gros rendement pour Dybala sur cette rencontre et qui permet, on en parlera, la Roma de rester encore en contact des places en Ligue des Champions. Mais sinon, dans le reste des résultats, donc on a notamment la victoire de la Juve qui a gagné 3-2 et qui et on va pas dire qu'ils peut-être maintiennent le suspense avec l'Inter parce qu'ils sont quand même très loin l'Inter, mais qui conservent leur avance confortable sur le reste sur ses poursuivants avec une victoire 3-2 et là aussi ça s'est joué en fin de match à la 95e pour s'imposer. Mais voilà, ça fait une victoire qui pourra compter pour les places européennes et voilà, la Juve qui reste là, qui reste deuxième. Peut-être quelque chose à rajouter sur ce match, Hugo. Ouais, pas rapidement, mais bah tu vois, c'est une victoire qui fait du bien. Alors comme tu l'as dit par rapport à l'Inter, c'est bon, c'est compliqué, mais c'est une victoire qui fait du bien parce qu'il restait sur 4 matchs sans victoire à la Juve, donc forcément ça leur permet de renouer avec le succès et puis de repartir peut-être de l'avant. Et puis voilà, enfin c'est un match un petit peu bizarre, on va dire. La Juve était bien évidemment favorite, mais pas favorite, pardon, mais non favorite. Bon, peu importe. J'ai un doute, faut vérifier. Mais non, voilà, la Juve, voilà, devait le faire, ils l'ont fait avec du mal, hein, parce que ouais, ils ont pris deux buts et c'était assez fébrile, ouais, défensivement, mais même offensivement, ça a pas forcément été très très simple. Mais comme tu as dit, ça s'est joué en fin de match à la 90+5, ce 3-2, donc but de Rugani. Mais voilà, encore une fois, c'est une victoire qui fait du bien, qui coupe cette série négative de 4 matchs sans victoire pour la Juve et qui voilà, leur permet encore une fois de garder cette deuxième place, on va dire, vraiment seule, hein, à 5 points d'avance face au Milan AC, mais qui évidemment est toujours bien inférieur à l'Inter leader qui est à 9 points de plus, hein, 66 points, et qui ont un match de retard à l'Inter. Hein, encore. Toujours, ouais. Ce sera demain d'ailleurs, hein, ce match-là. Ah oui, c'est demain, ouais. Ouais, qui reçoit l'Atalanta Bergame, donc demain. Mercredi. Ah, mercredi, ok. Ouais, mercredi soir, donc pour le match du retard. L'Inter, justement, on peut en parler, parce qu'on l'évoque. 4-0 à victoire à Lecce, voilà, c'est un mal classé. Bon, ça a été facile pour l'Inter, hein, voilà, qui a pas eu à forcer son talent encore une fois, et qui reste, tu l'as dit, à 9 points de la Juve, donc voilà, c'est plus que jamais le candidat au titre, hein, maintenant, on peut pas se le cacher. Hein. Bon, oui, c'est même plus candidat, hein. c'est presque eux qui ont le titre. Allez, ils ont 9 doigts dessus, quoi, sur le trophée, hein. Avec une victoire mercredi, ouais. Ah bah là, c'est très 12 points d'avance, ouais. Ce serait, ouais, on peut pas se plier fait. Après. Bon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y aura 4 défaites de l'Inter, mais que des victoires de la Juve après. Enfin, voilà. Et non, encore, il ouais. y aura encore l'avantage au goal average. Donc, Et en plus. Donc ouais, là, il gagne mercredi. Voilà, là, il y a. C'est un peu un miracle qu'il faudrait pour qu'ils perdent le titre. Voilà, ce serait une catastrophe, même pour eux, en tout cas. Mais non, bah, ils ont fait le job hein, sur ce match-là. Bon, bah, Lecce, voilà, qui a été largué, on va dire, un petit peu. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil à un moment, notamment en début de seconde période, fin de première période, mais la Juve, l'Inter est resté bien au-dessus voilà, dans ce match. Et puis, ça s'est vu voilà, sur le score et sur ces buts-là, un doublé de Martinez et puis un but de Fratesi et de De Bruyne. Donc voilà, non, résultat logique, voilà, c'est une très très belle équipe de l'Inter cette saison, qui donc plus que jamais est proche que de remporter cette Serie A et qui est plus que jamais fait partie des favoris en tout cas de la Ligue des Champions aussi, enfin pour la victoire finale avec, je pense, City et le Real. Oui. Pour moi, c'est les trois vraiment qui peuvent prétendre à glaner le trophée, en tout cas là maintenant, qu'on verra par la suite. Mais en tout cas, l'Inter, c'est très, très, très, très costaud cette saison et ça le prouve encore avec cette victoire 4-0 à Lecce ce week-end. On poursuit avec Napoli qui a perdu 2 points importants à Cagliari ce week-end, c'était hier après-midi. Qui s'est fait rejoindre vraiment dans les dernières secondes et qui laisse filer 2 points importants. Pourquoi pas encore espérer aller chercher une place européenne. Voilà, il laisse passer des points précieux. Et donc c'était hier donc à Cagliari. Et puis le Milan AC aussi qui a laissé passer 2 points face à Bergame. Bon, c'était peut-être un peu différent parce que là voilà, c'était face à la Bergame qui est juste derrière, hein, qui est cinquième, donc c'est peut-être plus logique que le nul de Napoli face à Cagliari qui était 19e quand même. Mais voilà, encore donc 2 petits points perdus pour le Milan AC, mais qui reste néanmoins bien positionné quand même pour la Ligue des Champions maintenant. Il y a quand même une belle avance. Hein. Ouais, ça c'est sûr, oui. Je pense que de toute façon, Milan sera, l'AC Milan sera, en Ligue des Champions l'année prochaine, je pense. Après, voilà, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets sur ce match-là quand même, parce qu'ils ont dominé cette équipe de Bergame. Milan a eu les occasions, ils ont beaucoup plus frappé au but. J'ai plus les chiffres exacts, je vais regarder vite fait. Ouais, 20 tirs à 8 quand même. Donc, ouais. Ils ont quand même dominé cette équipe de Bergame. Après, voilà, ça manquait peut-être un petit peu de lucidité dans le dernier geste. Mais c'est aussi un troisième match consécutif sans victoire. Oui, c'est vrai. Après, c'est revers à Monza, on se rappelle l'année dernière. Contre Monza et puis à Rennes. Donc ça fait quand même mine de rien toute compétition confondue 3 matchs sans victoire. Ça peut paraître pas grand chose, mais ça peut toujours jouer un petit peu dans les têtes. Mais en tout cas, pour moi, Milan qui perd des points quand même vis-à-vis de la deuxième place de la Juve, hein, du coup. Ouais, donc, ils sont pas largués. Je pense qu'ils ils finiront dans le top 4 qu'il arrive, de toute façon. Mais ils destinent des points quand même. Faut faire attention. On sait jamais. Et puis, on le disait tout à l'heure, la Roma, donc, tout à l'heure, qui a gagné face à Torino 3-2, grâce à Dybala et un triplé. Bologne qui a gagné aussi, Bologne 4e. Hein. Et Bologne, oui, bien sûr, tu fais bien de le dire. Ouais. Qui a gagné, c'était samedi. 2-0 vendredi. Pour ouvrir la journée. Donc, l'Inter reste un leader avec 66 points et jouera donc mercredi le match de retard pour remettre à jour le classement. Face à Bergame, on aura la Juve, donc deuxième, qui possède 57 points. Le Milan AC, troisième, 53 points. Bologne est quatrième avec 48 points. Bergame, ensuite, à 46 points. La Roma a 44 points. Et la Lazio, qui est septième avec 40 points, mais qui a aussi un match de retard, hein, la Lazio. Et qui jouera un petit peu plus tard, hein. c'est pas tout de suite, mais qui est aussi c'est ce soir le match de retard, enfin c'est pas un match de retard pour le coup, c'est un match en direct, mais qui mène 1-0 et qui du coup pourrait, c'est ça, en cas de victoire, revenir à un point de la Roma, hein, la place qualificative. Donc voilà, c'est important aussi ce match pour la Roma qui est en ce moment même. Et puis le Napoli seulement 9e, 37 points, qui recule un petit peu au classement. Et puis en bas, donc toujours Salernitana, bon, 13 points, ça semble très très complexe. Pour eux, Cagliari, Vérone et Sassuolo, 20 points. Donc là, c'est pareil, c'est assez serré pour voilà, aller chercher le maintien. Donc voilà, c'est en direct. Et on a toujours aussi en direct Caen qui mène 2-0 désormais, du coup, face à Angers avec un doublé de Abdi à l'heure de jeu. Donc c'est un résultat pour l'instant assez surprenant pour Angers qui laisse vraiment, si ça se confirme, Auxerre filer en tête. On en parlera tout à l'heure avec la Ligue 2. En Angleterre, tu suis toujours West Ham, Brentford. Hugo, donc pas de but pour l'instant, ça reste à 2-1. C'est ça, toujours 2-1 pour West Ham donc, contre Brentford. On joue la 50e minute de jeu. Donc voilà, pour l'instant, début de seconde période, voilà, c'est serré. Mais ouais, toujours 2-1 pour les Hammers. Gérone qui toujours à 0-0 face au Rayo Vallecano, match important aussi pour Gérone pour repasser devant l'AC Barcelone. On en parlera aussi juste après. Et la Lazio qui vient de se faire égaliser à l'instant par la Fiorentina, un partout, et but de Kayode pour le défenseur de la Fiorentina pour le un partout. Donc pour l'instant, la Lazio repère deux petits points qui pourraient compter. On en parlera aussi à la fin de cette rencontre. Voilà pour les directs. L'Espagne, du coup, avec on parlait de Gérone, l'Espagne. Attends, Rémi. Ah oui, le programme de la semaine, pardon. La semaine prochaine. Exact. Et en plus, il y a deux trois beaux petits matchs à suivre. Ah bah oui, dès vendredi. Dès vendredi, mine de rien, Lazio-Rome contre l'AC Milan. Eh ouais. Voilà, ça reste un bon match à suivre. Milan qui doit justement ne plus perdre de points, et puis Lazio aussi pour les places européennes. On a dimanche on a Atalanta Bergame à 18h contre Bologne. Alors comme ça tu dis bon ouais. Mais non, ça reste un match de tableau, hein. Bologne 4e, puis l'Atalanta 5e. Donc l'Atalanta qui pourrait repasser devant Bologne, et ou Bologne qui pourrait donc prendre encore plus d'écart sur l'Atalanta. Et puis on a à 20h45 dimanche, on a Naples, Juventus-Turin. Alors même si Naples évidemment fait pas une bonne saison, loin de là en championnat, bah, ça reste une affiche, un Naples-Juve, et la Juve qui peut encore plus conforter sa deuxième place par rapport à Milan 3e, et voir peut-être essayer de grappiller un petit peu quelques marches par rapport à l'Inter qui est devant, et l'Inter qui jouera lundi contre le Genoa. Bon, c'est pas une affiche, mais voilà, en tout cas, Naples-Juve dimanche, Atalanta-Bergame-Bologne, et puis donc vendredi, la Turam à 6 Milan. Donc voilà, trois petites affiches à suivre. Très bien, donc bah, en plus c'est une par jour, donc... Deux dimanches. Oui, mais c'est vrai, c'est pas la même heure, donc ça permet de de suivre. Ouais. Très bien. L'Espagne, du coup, avec le Gérone donc en direct, et avec le Barça vainqueur, grand vainqueur, large vainqueur de Rétafé, 4-0, qui permet provisoirement d'être deuxième en attendant le résultat final de Gérone. Voilà, c'était pas le match le plus compliqué de la saison, mais il fallait encore gagner face à cette équipe de Rétafé, voilà, qui est au milieu de tableau, hein, qui joue plus grand chose, mais voilà, ils ont fait le boulot proprement et sérieusement, le Barça, sur ce match. Ouais, comme tu dis, fallait gagner, certes, mais fallait gagner avec la manière aussi, ils ont gagné avec la manière. 4-0, j'ai pas grand chose à dire, hein. J'ai vu le résumé, j'ai pas vu le match en direct. Voilà, ils ont mérité leur victoire, le Barça, largement. C'est une victoire qui peut faire du bien aussi, hein, vis-à-vis de la forme actuelle, aussi de leur futur aussi de la Ligue des Champions. Ça peut jouer aussi dans les têtes. En tout cas, peu importe, c'est une belle victoire du Barça. Et comme tu dis, pour l'instant, ils sont donc deuxièmes en attendant le match ce soir, le résultat final de Gérone. Mais très belle victoire du Barça, qui donne un petit peu d'air. Et puis qui aussi du coup fait marquer un petit Rafinha, Joao Félix, même Frenkie de Jong, qui dernièrement est un petit peu en colère, notamment par rapport à la presse locale, enfin espagnole, parce que on le disait beaucoup sur le départ, mais voilà, de Jong qui marque tout ça, donc voilà, c'est une belle victoire pour le Barça. Oui, pardon. Qui passe? Bonsoir monsieur, qui êtes-vous? qui passe deuxième pour l'instant, avant d'attendre. Ouais. Le match de Gérone qui va se poursuivre et qu'on suit en direct. Toujours l'Espagne avec maintenant l'Atlético Madrid qui se déplaçait à Almeria, c'était en fin de soirée samedi. Deux partout pour l'Atlético, voilà, qui a pas fait une grosse semaine, hein, on l'a dit. Il y a eu ce match nul face à l'Inter, il y a eu cette défaite face à l'Inter et il y a eu ce match nul face à l'Almeria, deux partout et qui perd deux points du coup. Important, et on le disait, hein, sans Griezmann c'est compliqué, ça peut expliquer ce match nul. Hein. Ouais, ça peut expliquer, oui. Griezmann, alors j'ai peut-être pas assez montré tout à l'heure, mais c'est vrai que non, oui, l'Atlético sans Griezmann c'est compliqué, hein, encore une fois, si je le dis quand même, c'est une pièce maîtresse, hein, c'est clair du jeu de l'Atleti, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, hein, déjà, juste oui. À dire ça. Forcément, il n'est pas là, ça change plein de choses, voilà. Mais voilà, c'est même globalement une équipe qui a été un petit peu remaniée sur ce match-là. Mine de rien, ils menaient à chaque fois 1-0 et puis 2-1. Puis ils se sont fait égaliser à chaque fois grâce à un doublé de Romero pour Almeria. Donc ouais, c'est deux points de perdu pour l'Atlético. Du coup laisse un petit peu, on va dire, filer. Entre guillemets, le Barça qui est à 5 points maintenant, 2, et puis Gérone un petit peu plus aussi, même si on verra ce que ça va donner au résultat final ce soir. Pour alors, Gérone, ouverture du score de Gérone, justement. Ah bah, voilà. Voilà, donc Tsigankov, et ça permet à Gérone provisoirement de reprendre 2 points d'avance sur le Barça. Et puis donc, du coup, la Tético... 2 points d'avance, tout bien j'ai dit. Ah, je sais pas, non, mais 7 points, ouais. Deux points d'avance sur le Barça, oui, mais 7 points sur l'Atlético. Non, j'utilisais l'Atlético, c'est que l'Atlético surtout voit Bilbao revenir à 3 points. Oui, en plus. Pour la place Ligue des Champions, donc attention. Ouais, il y a Bilbao derrière qui suit, donc c'est ça, faut faire attention pour l'Atlético. Essayer de pas laisser filer des points, notamment quand Griezmann n'est pas là, comme Morata n'est pas à 100%, donc c'est ça. C'est compliqué, même s'il y a des beaux noms, hein. Il y a quand même Depay, Angel Correa devant, oui. Mais ça fait pas forcément le taf aussi, voilà. Enfin, c'est pas forcément l'équipe type aussi, donc il y a peut-être pas forcément tous les automatismes, je sais pas, mais voilà, pour ce genre de match-là, en plus on l'a déjà dit, Almeria qui a toujours pas gagné un match cette saison, donc oui. C'est quand même vraiment une contre-performance de pas gagner là-bas, tu vois. Donc là c'était vraiment le match pour moi qu'il fallait gagner, hein, pour l'Atlético, comme tu dis, qui laisse un peu filer le Barça et Gérone, et puis qui a Bilbao à ses fesses, donc là va vraiment falloir se reprendre, on va dire, et pas laisser filer des points en tout cas la semaine prochaine, quoi. Ouais, semaine prochaine pour l'Atlético, ce sera la réception du Betis Séville, voilà, donc qui est sixième, donc là aussi c'est un match important, surtout que voilà, si Séville veut encore espérer avoir une chance de d'aller chercher peut-être mieux que la Ligue Europa, il faudra gagner déjà face à Atlético, donc attention pour ce match-là, en tout cas pour l'Atlético. Et puis donc on a puis samedi aussi un match qui a pas eu lieu, c'est Grenade-Valence, match qui a été reporté, hein, en raison d'un incendie qui a eu lieu dans un immeuble à Valence et qui a fait 4 morts et 14 disparus, et du coup le club qui a décidé de la Liga qui a décidé de ne pas faire jouer ce match-là, donc pour lequel on a eu une minute de silence sur le week-end. Donc pas de rencontre entre la Valence et Grenade qui sera reportée. Et puis enfin hier, on avait le Real qui recevait Séville, qui était important pour le Real pour s'échapper un peu plus en tête. Et il en a fallu encore se remettre à Modric qui est toujours là, hein, qui est toujours increvable, hein, au Real, et qui permet au Real de s'imposer sur la petite démarche, mais ça continue de d'avancer. L'avance reste la même encore pour le Real, hein, qui tient bien, qui tient bon. Ouais, voilà, c'est ça. Modric, increvable, on va dire ça. Même s'il joue moins cette saison, on va dire. En tout cas, il est un peu plus sur le banc. Il a plus vraiment sa place de titulaire indiscutable, mais qui est toujours là, ouais, pour sauver les siens, et sûrement en plus faut en profiter parce que c'est probablement la dernière saison, en tout cas les derniers mois de Modric au Real, hein, qui devrait pas être prolongé cet été parce que là il arrive en fin de contrat, donc voilà, faut en profiter, et très beau but hein, d'ailleurs de Modric hein, sur cette rencontre-là. Un beau poteau rentrant, une belle frappe enroulée du pied droit. Il élimine son adversaire juste avant. Enfin, voilà, en fin de match, non, un très beau but. Et puis voilà, le Real qui n'a pas été transcendant dans ce match-là, mais qui a su voilà, on va dire faire le job en fin de match, enfin en seconde période et en fin de match. Et ouais, donc grâce à un très beau but de Modric, voilà, qui on va dire, même si ça reste peut-être un but anecdotique, mais qui inscrit toujours un peu plus sa légende, en tout cas avec le Real. Et comme je le dis, il faut en profiter un petit peu, parce que mine de rien, c'est pas le joueur charismatique comme a pu être Ronaldo ou même Benzema sur ces dernières années, mais ça reste un joueur hors norme, un milieu de terrain, l'un des plus grands que le Real ait pu connaître, je pense, en tout cas ces 10 dernières années. Donc il faut en profiter ces dernières semaines, ces derniers mois, donc voilà, mais victoire importante du Real, comme tu dis, qui donc prend un peu plus de largeur au classement, et qui donc là, en direct, en tout cas, à 6 points d'avance sur Gérone. Donc ouais, c'était une victoire importante pour le Real, même si c'était un petit peu à l'arraché. Victoire, enfin 3 points très importants pour le Real ce week-end. Modric qui venait de rentrer, hein, 5 minutes avant. Et en plus, ouais, il venait de rentrer, oui, parce que oui, je disais justement qu'il jouait moins cette saison, qu'il était beaucoup plus sur le banc. Et justement, ouais, comme tu dis, qu'il est rentré quelques minutes avant. Rentrée gagnante, ouais. Pour lui. Le classement donc nous donne 65 points pour le Real en tête, le Barça 57 points, Gérone bon, pour le moment 58 points, donc qui serait deuxième à l'heure actuelle. Atletico 59. L'Atletico 52, quatrième, le Bilbao 49. Et tiens, on en parle une seconde, on va pas donner de détails, mais on avait aussi donc la défaite en ouverture de la journée de la Real Sociedad 3-1. Voilà, face à Villarreal qui est pas de guerre hein, donc voilà pour les infos pour le Paris Saint-Germain. Ah voilà, Sociedad pour le PSG et Villarreal pour l'OM pareil. Ouais. Et voilà, c'était ça que je cherchais. Et Villarreal du coup qui a gagné même si c'est pas ils sont pas super bien classés, bah ils ont battu cette équipe de la Real Sociedad qui est septième. Et puis donc en bas de tableau donc Cadix, Grenade et puis Almeria bah qui a pris un point de plus et qui a 9 points mais qui a toujours pas gagné. Donc dans ce championnat espagnol. Cette semaine, demi-finale retour de la Coupe du Roi. Donc demain, on aura le premier match entre bah, justement la Real Sociedad qui est toujours engagée dans cette Coupe du Roi, dans cette Coupe d'Espagne, qui reçoit Mallorca. Alors que le match aller a donné un 0-0. Et puis l'Atlético Madrid jouera mercredi, jeudi, pour tenter d'inverser la tendance puisque le Bilbao avait gagné 1-0. À l'aller à Madrid, et donc là Madrid se déplace à Bilbao pour tenter d'inverser la tendance et se qualifier donc pour la finale de cette Coupe du Roi. Voilà pour l'Espagne, et donc cette semaine, ce week-end, on a dit Atlético Betis, hein, on en a parlé tout à l'heure, et sinon on a quoi, Valence Real, voilà, c'est pas incroyable, ouais, aussi, mais plus grosse affiche, on va dire, c'est Bilbao-Barça. C'est ça que je cherchais, ouais. Bilbao-Barça, exactement. Ouais. Bilbao, okay, on l'a dit juste avant, est juste derrière l'Atlético Madrid. Bilbao, cinquième, à 3 points de l'Atlético. Et puis donc le Barça, voilà, qui est deuxième, 57 points, mais qui donc joue toujours un petit peu sa deuxième place, en tout cas avec Gérone. Ouais. Donc voilà, match de haut de tableau important aussi hein, pour les deux équipes, hein, de toute façon. Donc ouais, Bilbao-Barça, ça peut être, c'est l'affiche pour moi de cette 27e journée. Et puis voilà, après on peut toujours suivre aussi les matchs, forcément hein, Séville Real Sociedad hein, pour le PSG, ouais. Voir un petit peu ce que la Real propose, et puis voilà, Villarreal. Pour l'OM, bon, Villarreal Grenade, voilà, voir un petit peu comment ça joue quoi. Exactement. Et puis Gérone ira à Mallorca, ouais. 16e. Ça devrait normalement bien se passer. Tiens, ça a bougé aussi puisque en Italie, la Fiorentina qui a inversé le match, hein, qui mène 2-1 désormais face à la Lazio, et grâce à Bonaventura, et bah voilà, la Lazio, ça s'est complètement inversé, et ce serait la Fiorentina du coup qui passerait devant la Lazio, hein, si ça se reste comme ça. Ah bah oui, du coup, ouais. Et ouais, du coup, ça inverse quand même en tout, donc. Et but. 1 pour West Ham. Ah, West Ham qui marque, et bah on va en parler justement juste après de l'Angleterre. Et donc qui fait le break. Ouais, et but de Bowen sur un centre, tête de Bowen et ça rentre. 3-1 pour West Ham, donc contre Brentford à la 64e minute. Très bien, bah on va suivre la suite, et Gérone mène toujours 1-0 et Caen mène toujours 2-0 dans les autres matchs Et il y a un match aussi au Portugal où le Sporting Braga mène 2-0 face à Boavista et qui est quatrième au classement, Porto juste devant, le Sporting et Benfica en tête. Tiens, tout à l'heure on parlait du Sporting qui jouera, on l'avait dit, mercredi hein, et pas jeudi en Ligue Europa. C'est parce qu'en fait Benfica joue aussi en Ligue en compétition donc jeudi. Et en fait, deux matchs européens peuvent pas avoir lieu en même temps dans le même secteur. C'est pour ça qu'en fait, le Sporting jouera le mercredi et Benfica le jeudi. Voilà, parce que deux matchs européens peuvent pas avoir lieu en même temps, le même secteur. Alors, à partir des huitièmes, alors. Non, en fait, n'importe quand, il peut pas y avoir sur des matchs en Coupe d'Europe. Y avoir, ça c'est la règle de l'UEFA, que deux matchs se jouent le même jour à la même heure quand les stades sont à proximité. Les stades sont à 3 km l'un de l'autre en fait. Ah oui, voilà, d'accord. Parce que j'allais dire, dans ce cas-là, Lens, Rennes et puis Toulouse, voilà. Oui, non, c'est vraiment okay. Quand les stades sont vraiment proches. Et c'est le cas du Benfica et du Sporting qui ont des stades vraiment très très proches. Ah oui, très très proches, oui. Alors. 3 km. Ouais. Après, ça, quand je. C'est rare, quoi, du coup. Oui. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'en championnat, ils jouent pas le même week-end. Hein. Ils ont fait en sorte de pas jouer le même week-end à domicile, évidemment. Mais voilà, en tout cas, en Coupe d'Europe, ça peut arriver. Et là, pour le coup, il a fallu faire jouer le Sporting donc la veille. Voilà pour la petite explication de tout à l'heure. On termine donc avec l'Angleterre. On va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on dirait qu'on n'est pas en avance. Alors du coup, je sais pas si t'as vu pour l'Angleterre, je viens de voir ça du coup. Everton qui avait perdu 10 points du coup de pénalité, ils ont récupéré 4 points en appel. Donc ils avaient une sanction de 10 points pour infraction aux règles financières. Exactement. Et donc en appel, ils ont récupéré 4 points quand même. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. 4 points au classement. Ça permet de sortir de la zone rouge surtout, ouais. Ben c'est ça leur donne un peu d'air. Donc Everton qui est 15e sur 20 donc maintenant en PL, voilà c'est tout. Très bien, ouais, c'est vrai que je l'ai vu, t'as fait bien en parler parce que j'avais oublié l'info. L'Angleterre, donc on avait, alors c'était un peu plus tôt en semaine, c'était Liverpool qui recevait Luton Town, c'est un match avancé puisque Liverpool jouait hier en League Cup, donc Liverpool qui avait avancé ce match et qui avait gagné 4-1 face à Luton, donc voilà, encore une fois, pourtant qui était mené 1-0, hein, mais qui a assez longtemps d'ailleurs, hein, qui était mené 1-0 de la 12e à la 56e minute. Mais ensuite, voilà, la machine s'est mise en marche. Et puis, 4 buts en une demi-heure, qui permet à Liverpool de rester en tête grâce à ce succès. Voilà, bon, pas grand chose à dire hein, face à une équipe de Luton Town qui est relégable. Donc, résultat logique en fait, hein, si on veut abréger, ouais. Moi, c'est logique, Luton qui a été malheureux, une équipe malheureuse en première période, mais Liverpool qui a rectifié le tir en seconde période, comme tu l'as dit, 4 buts, 56e, 58e, 71e, 90e, c'est globalement Liverpool a fait le taf, comme je l'ai dit, première période, on va dire en faveur de Luton Town, mais Liverpool qui a fait le job ensuite et qui a su se rattraper, ça fait 4-1. Un peu comme on va en parler tout à l'heure, mais Marseille-Montpellier, ça fait 1-0 au début de match, et puis 4-1 à la fin. Voilà. Mais Liverpool qui a fait le job, et donc qui conforte pour l'instant de peu, mais sa place de leader en première ligue. Chelsea-Tottenham, donc du coup, lui, par l'instant, pas de date de report entre Chelsea et Tottenham, parce que Chelsea joue aussi en finale de Cup, League Cup, donc pour l'instant, pas de date de report. On a, United qui perd 3 points importants, dans la course à l'Europe, qui a perdu face à Fulham, alors qui était mené 1-0, qui était revenu d'ailleurs à un partout, et puis toute fin de match, encore une fois, ils se sont fait surprendre à nouveau, et c'est seulement la première défaite hein, de l'année pour United, ouais, qui était très vraiment bien revenu, et là ça casse un peu la série, et ça fait qu'on s'éloigne un petit peu des places européennes. Voilà, il reste du temps, mais c'est la petite défaite de United qui revenait très très fort cette saison, mais voilà, il reste encore pas mal de matchs pour revenir. Il y avait des absents aussi, enfin je pense notamment en fait que le jeune Omari Forson, joueur de 19 ans côté United qui qui a commencé ce match. Alors 4-1 pour West Ham, j'ai pas vu le but, mais je vois que la célèbre. 4-1 pour West Ham. Voilà, pour contre Brentford, j'ai pas vu le buteur, j'ai pas vu le but. En tout cas, 4-1, je finis rapidement sur United, du coup. Ouais, donc Omari Forsell, qui a commencé en tant que milieu gauche, hein, pour United, 19 ans. Première titularisation en pro. Et surtout, il avait juste joué, je crois, il était entré 7 minutes dans sa carrière en pro. Et donc, voilà. Alors, ouais, pas un cadeau, ouais. J'en ai pas la faute, je veux dire, il faut pas ça. Hein, mais forcément, quand tu fais jouer, enfin, quand tu fais commencer des jeunes joueurs comme ça, parce que t'as pas le choix... Ah, c'est pas forcément facile, hein. Voilà, le mec il avait quoi, même pas à peine 10 minutes de foot professionnel dans les pattes, et voilà, bon, tu joues comme ça, c'est forcément compliqué, quoi. Mais ouais, United, premier match perdu, première défaite cette saison, du coup, enfin cette saison, en cette année 2024, on va dire. Ouais. Donc c'est un beau but pour West Ham, je reviens là-dessus en direct, d'Emerton, l'ancien Lyonnais, hein, du coup, ouais, en dehors de la Everton. Surface. J'ai dit Everton ? Non, c'est Everton qui est marqué ? Non, Emerson. Ah, Emerson, pardon. Ah oui, d'accord. Palmieri. L'ancien Lyonnais, hein. Ouais, Palmieri, voilà. Ouais. Qui donc a son contrôlé à l'entrée de la surface, enfin, mais en dehors de la surface, et qui met une belle frappe placée en pleine lucarne sous la barre. Et ça fait donc 4-1 pour West Ham contre Brentford à la 70e minute. Donc, bon, le match est quasiment fait. Hein. Oui, oui, ça y est. Et ça n'a pas bougé dans les autres matchs. On a City qui a gagné 1-0 à Bournemouth. C'était important pour rester au contact de Liverpool, d'ailleurs, qui avait joué aussi en milieu de semaine, hein, pour le match de retard, et ouais, qui a gagné du coup face à Brentford, hein, milieu de semaine 1-0. Voilà, ça aussi c'était la plus petite démarche avec un but de Haaland. Et bah, nouvelle victoire 1-0 pour City, face cette fois-ci grâce à Foden. Bah, ça suffit. Voilà, c'est pas les victoires exceptionnelles comme ça a pu l'être pour Liverpool, où on en parlera de Arsenal après, mais bah, ça suffit pour rester là, et bah, toujours un point, hein, ça tient toujours. Et non, mais ils t'ont fait peur, hein, City. Enfin, ils ont globalement géré, on va dire, la première période, mais avec ce but de Foden à la 24e. Mais vraiment, ouais, après la mi-temps, au retour des vestiaires, Bournemouth, ils ont un peu trop, ouais, ils ont eu des occasions, hein, ils ont eu des opportunités. Ouais, hein. Et ça aurait pas été un scandale qu'il y ait match nul au moins à la fin, quoi. Voilà. Mais City, quand même, plus important. Mais ça aurait pas été un scandale qu'il y ait un partout à la fin, quoi. C'est vrai que ça aurait pu coûter cher, mais ils sont toujours là, bien là, avec toujours ce petit point de retard. Mais voilà, ça va se battre vraiment jusqu'au bout. Et puis il y a aussi Arsenal qui, du coup, bah, reste là. Contact, toujours deux points, bah, tout le monde se tient en fait en un point, donc 60, 59, 58. Cette fois, c'est Newcastle de la victime, 4-1. Voilà, bah, c'est pareil, c'est un peu à l'image de Liverpool, hein, ça a fait le job, voilà, et ça se poursuit, ça promet vraiment une grosse fin de championnat, hein. Il reste quoi, ouais, 13 journées, 12 journées, et bah, ça va faire un duel à 3, mais ça va faire un match à 3 pour le titre, hein. Normalement, ça a pas l'air de vouloir craquer, hein. Bah non, ouais, c'est ça. Puis non, mais Arsenal qui a vraiment surdominé ce match. Non, Newcastle a vraiment pas existé dans ce match. Moi, il y a eu ce but en fin de match, mais d'accord, mais c'est presque anecdotique. Non, Arsenal qui a fait vraiment le job pour le coup à la maison contre Newcastle, donc victoire extrêmement logique, et le 4-1 est vraiment mérité. Donc ça, je pense que il y en a forcément qui vont lâcher. De toute façon, je pense forcément un vainqueur à la fin, de toute façon, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est Liverpool 60 points, City 59, Arsenal 58. C'est très très serré. Et quand tu regardes les stats, tous les trois à 18 victoires, et la différence de but, elle est serrée, plus 38, plus 33, plus 39. C'est vrai. Ça se joue à peu de choses. Là, ça se joue à rien, donc franchement, si ça lâche pas trop tôt, on va dire, pour les trois, enfin si ils arrivent vraiment à rester collés comme ça jusqu'à la fin, ça va être très très fort émotionnellement, et ça va être super cool à suivre, hein, vraiment cette première ligue, ouais. En tout cas pour l'instant, c'est passionnant, c'est sûr. J'étais en train de regarder en même temps là, que tu parlais, s'il y a des oui, il y a un Liverpool City, hein, qui arrive vite, c'est le 10 mars. C'est le 10 mars, du coup. Ouais. Ouais, donc c'est pas ce week-end, c'est le suivant, donc ça va arriver très très vite. Donc ouais. ça va être un... Il y a Liverpool joue aussi United, hein, donc ils ont quand même deux de gros matchs à jouer. Et puis donc City jouera aussi Arsenal. Aussi. Ouais, il y a City joue les deux. Le 31 mars. Je sais pas ce sera quand. Donc donc City City joue les deux gros en 3 semaines, hein. Pour raconter nos vies, Rémi, on sera ensemble, hein, le 31 mars. Hein. On pourra peut-être voir le match, je sais pas. On va regarder ce choc, hein, je pense. Ce sera probablement samedi, je sais pas, en fait. Samedi ou dimanche, ouais, ça dépend. Peut-être plus dimanche, 17h. Oui, c'est peut-être un match du dimanche, hein. J'espère. Ouais. Très bien, on suivra peut-être ça, j'espère. On pourra en parler, lundi suivant. Et donc ensuite on a Aston Villa 52 points, Tottenham 47 points, mais c'est vrai qu'il y a le match de retard, United 44 points, Chelsea est 11e avec 35 points, c'est vrai qu'il y a ce match de retard aussi, mais ils sont quand même très très loin. Du coup Everton, on l'a dit, il revient 15e, 25 points, et puis en bas Luton, Burnley et Sheffield, ça semble déjà plié pour Burnley et Sheffield, hein, avec 11 points de retard, hein, sur Nottingham Forest, donc Luton Town va essayer de se battre pour se maintenir. Et en direct, donc, toujours 4-1. C'est ça pour West Ham. Et puis ailleurs, ça ne bouge pas. On avait aussi, la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, c'est la victoire de Liverpool, qui a battu Chelsea 1-0 après prolongation. Un peu à l'image, d'ailleurs, c'était la finale d'il y a 2 ans, hein, cette finale de Coupe de la Ligue, et Liverpool avait battu Chelsea au tir au but cette fois. On n'était pas très très loin, mais Van Dijk à 118e qui a marqué ce but, ce unique but. Mais c'est vrai qu'on aurait, pour Chelsea c'est un peu cruel, qui aurait mérité peut-être d'aller au tir au but. Gros match, hein, beaucoup d'occases, deux gros gardiens, vraiment des bons arrêts de gardiens, beaucoup d'occases, de suspense. Et au final, c'est Liverpool qui remporte sa 10e victoire dans cette compétition, c'est un record. Et du coup Chelsea qui va avoir des regrets, puisque pour Chelsea, on l'avait dit, c'était peut-être la dernière chance d'aller accrocher une Coupe d'Europe. On en a rapidement parlé en off, toi et moi, enfin vite fait. Ouais, non, c'est vraiment un très gros match, hein. C'était très ouvert, beaucoup d'intensité, beaucoup d'intensité. Et tu dis que Chelsea aurait pu aller au tir au but, oui, mais ils auraient pu gagner, mais ils auraient pu chercher la victoire, parce que ils avaient vraiment les occasions de marquer, déjà dans le temps réglementaire avant les prolongations. Fin de match, donc il n'y aurait potentiellement pas eu de prolongation après, peu importe, mais Chelsea qui avait vraiment les armes et ils ont eu les occasions, les actions de pour marquer, ouvrir le score, et même Liverpool, hein, ils ont eu aussi des belles occasions, notamment Van Dijk avait déjà marqué. Je crois que c'était vraiment la prolongation. Je crois que c'était vraiment dans le temps réglementaire. Van Dijk avait marqué pareil sur corner, je crois, de la tête. Oui, hors-jeu finalement. Il y avait hors-jeu. Oui. Donc, mais c'était rebelote. Donc à la 118e du coup, où là c'était dans la légalité. Leeds. Alors Chelsea qui aura encore une chance puisqu'ils sont encore en cup. Hein. Donc du coup, en s'imposant en cup, qui pourrait se qualifier aussi pour une compétition européenne. Donc ultime chance peut-être pour Chelsea face à Leeds, Wolverhampton, Brighton, Nottingham Forest, United, mais aussi United qui a une chance avec cette compétition, et puis Liverpool, Southampton, donc ce sera mercredi. Pour Liverpool déjà, on l'avait dit qu'il était engagé encore partout, 1 sur 4, il y aura encore la Cup, il y aura la Ligue Europa où ils ont pour moi de grandes chances de gagner, et puis le championnat, ça peut être une grosse saison, ça peut être un quadruplé, hein, peut-être pour Liverpool, hein. On sait jamais. Encore une fois pour la der de Klopp. Ouais, ce serait au moins magnifique, même un triplé déjà. Ça pourrait déjà être énorme. Mais au moins il a déjà un trophée, c'est sûr. C'est ça, c'est du sûr avec cette League Cup. Donc la Cup cette semaine, c'est le 5e tour. Oui. 5e tour, ça équivaut à quoi du coup? C'est les 8e de finale en fait. 8e. OK. Oui, il y a 8 matchs, je sais pas pourquoi en Angleterre on a toujours appelé ça après on en parle de quart de finale, mais avant ça on parle de tour. Donc pourquoi pas. Ça a toujours été un peu le cas en Angleterre. Voilà pour l'Angleterre. Juste un truc. Ce week-end, oui, c'est en championnat, le derby mancunien entre City et United. Très bien. Voilà. 5-0 Coventry. Donc ça sera quand? Je vérifie rapidement. Ce sera dimanche, je crois. Ouais, dimanche à 16h30 sur Canal Plus. Voilà, dimanche 16h30. City United. Très bien. Ok, entendu. Eh ben, c'est noté. Et donc le vainqueur de la pour revenir là-dessus, de la Cup se qualifie en Ligue Europa, hein, aussi en phase de groupe, comme le cinquième d'ailleurs. Donc le cinquième plus le vainqueur de la Cup, donc ça fait encore une chance pour ceux qui n'ont pas pu se qualifier via le championnat. Et puis la Cup c'est Ligue Europa et la Ligue Cup c'est Conference League, c'est ça. Et les barrages de Conference League, ouais. Pas barrage, ouais. Seulement les barrages, pas la phase de groupe. Et puis donc le vainqueur de la Cup joue aussi le Community Shield face au vainqueur du champion d'Angleterre, voilà, pour être complet. Très rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps en France, donc on revient avec d'abord le national. C'était la 22e journée, l'USO qui a remporté un match important en Lyon face à Avranches 3-1, qui permet du coup de reprendre la 5e place grâce à ce succès. On retrouve toujours le Red Star en tête, hein, 46 points. On a ensuite Niort 41 points, Martigues 37 points, Dijon 33 points et Orléans donc qui est 5e avec 32 points avec un match de retard face à Sochaux. Ce sera d'ailleurs demain ce match de retard face à Sochaux, encore une fois à domicile, donc demain à 19h30 je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 19h30. Pourquoi pas, en cas de victoire, eh bien reprendre encore 3 points de plus et se rapprocher pourquoi pas du podium. Donc ce sera demain pour ce match de retard. En Ligue 2, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours en direct. Quand Angers 2-0, hein, 96e minute, ça semble se profiler cette victoire de Caen. Angers qui va laisser passer deux points importants pour le titre, peut-être. En tout cas, Serre, de son côté, malgré son match nul un partout, conserverait 5 buts. Pour Brentford, je te coupe rapidement, but de Brentford. Alors, c'est assez anecdotique, mais 4-2, donc, Brentford qui réduit l'écart. Un beau but, pareil, extérieur de la surface, bien placé, 4-2, 92e minute. West Ham, on sait jamais. Brentford 2, on sait jamais. Alors peut-être. On sait jamais, c'est sûr. Alors peut-être. Alors peut-être. Fiorentina. Il y a peut-être en jeu. On va voir. Mais... Bon, tu nous retiens au courant. Ouais. Fiorentina 2-1, toujours, et Regiron toujours 1-0. Et du coup, voilà, Auxerre avec tout, possède 5 points d'avance, toujours, malgré son match nul, puisque c'est fini, hein, quand Angers s'est incliné 2-0. Laval 3e, 44 points. Saint-Etienne qui revient 4e avec 41 points grâce à sa victoire face à Annecy et peut encore rêver d'une remontée cette année, puisqu'il n'y a plus que 5 points de retard sur Angers maintenant, donc à voir. Et puis il y a que bien 3 points sur Laval qui est barragiste, donc attends, Saint-Etienne qui peut rêver d'une remontée cette année. C'est loin d'être le cas pour Bordeaux, 13e avec 35 points, malgré une victoire 1-0, mais qui est trop loin. Et puis en bas, ceux qui vont se battre, ce sera Dunkerque, Quevilly-Rouen, Annecy et puis Valenciennes, qui est déjà, à mon âme la vie, trop loin déjà pour se maintenir, hein, qui a vraiment 15 points de retard, donc ça semble trop compliqué. Et on termine avec la Ligue 1. On va débriefer match par match. Alors on va pas faire de gros débriefs parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. But validé pour Brentford. Ah, ça y est, 4-2. Ouais. Bah alors on va suivre la fin. On y va avec les débriefs, donc petit débrief, hein, des matchs donc de la Ligue 1, 23e journée. On débarque avec Metz qui recevait Lyon et l'opération remontée pour Lyon qui se poursuit. Encore une victoire 2-1 cette fois et qui du coup avec cette victoire, ça y est, réintègre le top 10. Enfin intègre le top 10 même. C'était pas arrivé depuis le début de saison. C'est Lyon qui continue sa remontée. Metz qui ouvre le score, qui mène un petit peu la danse en début de match, et puis Lyon qui fait preuve de caractère, encore une fois, depuis on va dire le début d'année, et même depuis le mercato hivernal, on va dire comme ça. Ouais. Lyon qui fait le taf et comme tu dis, qui intègre le top 10. C'est peut-être compliqué encore, peut-être d'aller chercher une place européenne. Alors, je parle de Conference League, hein, au moins ça, on va dire, parce que mais même ça, l'Église est quand même à 8 points de Lens, 6e. Pour moi, la meilleure option, c'est la Coupe de France, de toute façon. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais oui, pourquoi pas, un championnat, après, il y a quand même un peu d'écart, mais bon. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Ce serait fou, ce serait fou. Puis je sais pas s'il n'y a pas une confrontation qui reste entre Lyon et Lens. Bah si, c'est le week-end prochain. Eh ben, c'est dimanche. Eh oui, c'est dimanche. Eh ben, pardon. Ça pourrait accroître. Hey, t'as raison. On va un petit peu les cartes, donc voilà. Mais comme tu dis, il y a la Coupe de France aussi qui, où je pense qu'il va vraiment jouer le coup à fond. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Pour aller chercher cette Ligue Europa plutôt que la Conference League, en tout cas. Mais voilà, Lyon qui continue, comme j'ai dit, sa remontée. Pour l'instant, tout va bien, on va dire, entre guillemets. Voilà, même si il y a pas un gouffre, mais il y a un petit fossé entre Lyon et Marseille. Du coup, Marseille qui a gagné, on va en parler dans quelques instants. Donc il y a 5 points d'écart entre Lyon 10e et Marseille 9e. Puis aussi le goal average, hein, qui est quand même très... Par contre, oui, oui. Beaucoup de buts marqués, de buts pris en début de saison, c'est vrai. Voilà, Lyon moins 10 et Marseille plus 8. Donc voilà, mais Lyon qui, voilà, pour l'instant, en tout cas, se soulage aussi par rapport surtout à la zone rouge. Voilà. Oui, c'est ça. Coupe d'Europe, ce sera un bonus. Coupe d'Europe, c'est le bonus, mais déjà se maintenir, voilà, ils prennent de l'air en tout cas. C'est vrai que c'est en cas de victoire, il y a que 5 points après, mais c'est-à-dire qu'il faut passer devant Marseille, devant Reims, devant Rennes. Ça fait beaucoup quand même d'équipes entre eux. Que ça repart bien un petit peu. Rennes, c'est toujours ouais, bien. Ça enchaîne. Marseille, ça repart plutôt bien. Voilà, donc il faut faire avec tout ça, on verra bien. Ouais. Ça va être compliqué pour Lyon, mais c'est pour ça que oui, comme tu dis, il faut jouer le coup à fond en Coupe de France. C'est ça. Très rapidement, Nantes qui gagne à Lorient 1-0. Ça, c'est important pour Nantes, pour donner un petit peu d'air. Il y a 3 points d'avance, mais Lorient, du coup, ça met Lorient dans une situation confortable qui est maintenant barragiste. Avec ses victoires 1-0, Brest qui enchaîne à Strasbourg, voilà, qui reste bien installé sur ce podium et cette deuxième place, avec un triplé d'ailleurs pour Camara, voilà, qui enchaîne. Deuxième match sans défaite en championnat pour Brest, ça tient bien et ça peut, en tout cas, c'est plus que jamais candidat pour une Coupe d'Europe, voire même la Ligue des Champions du coup, hein, avec sa deuxième place. Ça tient bien pour Brest, qui enchaîne à Strasbourg, qui de son côté, par contre, voilà, et pareil, se met dans une mauvaise situation et qui va jouer jusqu'au bout probablement le maintien. Dimanche, on a Monaco qui se déplaçait à Lens. C'était un gros match hein, pour Lens. Il y avait eu la Coupe d'Europe juste avant. On pensait peut-être que Lens serait un peu fatigué, surtout avec les prolongations, mais ils ont bien tenu le choc, Lens. Malgré deux buts de Monaco par Balogun et Minamino, ils sont venus très très vite. Lance à 3-2 à 3-1 dans la foulée, à 2-1, et puis une grosse deuxième période lensoise, hein, qui ont dominé vraiment toute la deuxième période avec une égalisation. On a eu un penalty aussi pour Monaco, repoussé par Samba, et puis on pensait aller chercher un match nul sur ce match, et puis Minamino qui a été assez bon quand même dans cette rencontre, qui permet à Monaco d'arracher une victoire qui est très importante, hein, évidemment, au classement. Ça permet de rester sur le podium à cette troisième place. Mais je sais pas si tu as pu voir un peu ce résumé de match ou ce match, mais beaucoup d'intensité. Ça a été un des gros matchs du week-end. Là. Non, honnêtement, j'ai malheureusement pas eu le temps ni de voir le résumé. Mais oui, j'imagine que oui, c'est un gros match, en tout cas de ce que j'ai entendu, vite fait, ce que j'ai compris, mais c'est vrai que je vais aller quand même regarder un résumé, mais Lens, voilà, c'était encore alors, ils perdaient 2-0 Lens, mais il y avait 2-2, et puis en fin de match, encore une fois, ouais, ils sont envie de se reprendre un peu à l'image, on va dire, entre guillemets, même si c'est pas le même scénario, mais la Coupe d'Europe, la semaine dernière. Donc ouais, Lens, ça peut faire un petit peu mal moralement, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais rapidement sur Monaco, encore une fois, c'est tellement en dents de scie. Oui, c'est vrai. Un coup de sorte, un gros match comme ça contre un concurrent direct, et puis après contre un concurrent, un tout petit club, on va dire, c'est non, ça perd, puis ça revient bien, puis ça repart mal. Enfin, Monaco, c'est vraiment ça cette saison. On n'arrive pas à les jauger, on n'arrive pas à les cerner en fait. Tu vois, c'est vrai. C'est bizarre. Bon, là, ça tient et ça fait troisième, mais. Mais il y a un gros calendrier qui attend Monaco. Hein. Monaco là qui va à recevoir Paris, vendredi. Ouais. Voilà, il y a Paris. Et après, il y aura un enchaînement à partir de début avril. Il y aura Rennes, Lille, Brest et Lyon. Alors, ah ouais. Là, il y a un gros calendrier qui attend au courant avril. Là, les 4 matchs d'avril, c'est les 4 gros matchs. Mais donc, c'est marrant parce que c'est un peu la même chose pour Marseille. Enfin, on va en parler dans quelques instants là, mais enfin, on fera un point sur le calendrier de Marseille, mais c'est pareil. Tu vois, c'est vrai, un moment crucial pour la Coupe. Exactement. Quoi. Ouais. Très vite, Nice-Clermont, il n'y a pas eu de but dans ce match 0-0. En tout cas, pour Nice, ça fait que Nice sort du podium avec ses deux points de perdu. Lille aussi qui perd gros dans sa rencontre face à Toulouse, qui d'ailleurs enchaîne Toulouse, hein, qui avait gagné à Monaco. Et là, qui gagne face à Lille 3-1. Là, qui bat deux gros coup sur coup. Et pour Lille, bah, pareil, c'est trois points perdus importants et qui leur met quatrième, cinquième même. Avec cette défaite à Toulouse. Reims qui gagne 2-1 en toute fin de match au Havre, 96e minute, d'ailleurs le but de la victoire pour Darami, sont doublés. Et voilà, ça c'est important pour Reims qui peut encore espérer espérer être européen, parce qu'il y a que 2 points de retard sur Lens, hein, qui est 6e. Et puis pour le Havre, bah par contre c'est pareil, ça va jouer le maintien aussi avec ces équipes-là, avec Nantes, avec Strasbourg, avec Montpellier, puisque le Havre est 14e maintenant. Et puis revenons-en à Paris-Rennes, hein, Rennes qui, on l'avait dit, restait sur une grosse série, et finalement Rennes reste sur une grosse série sans défaite, mais peut-être qu'il va avoir des regrets sur ce match. Pareil sur l'opération remontée au classement, maintenant qui est plus qu'à un point de Lens, mais qui aurait pu même espérer gagner sans ce penalty vraiment toute fin de match. Voilà pour Paris qui on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On se demande si vraiment ils jouent vraiment le coup à fond, hein, en championnat quand même. Ouais, il y a de ça. Il y a aussi la sortie d'Mbappé qu'il faut parler aussi une demi-heure avant la fin du match quand même. À la 35e. Ouais, c'est rare pour le préciser. Ouais. Ouais, Enrique a expliqué que, en tout cas, la version officielle, c'est pas officieuse, j'en sais rien, mais que voilà, faut que Paris s'habitue à jouer sans Mbappé, etc., etc. Bon, admettons. Moi, en direct, je pensais que Mbappé avait reçu un coup, avait, une petite gêne, j'en sais rien. J'avais cru comprendre ça, mais là, ça a pas l'air d'être ça, mais peu importe. Surtout qu'il a pas forcément râlé, Mbappé, quand il est sorti. Non, c'est vrai. Donc on l'a déjà vu sortir de temps en temps, notamment sous Thomas Tuchel, où il râlait parce qu'il sortait, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'a semblé un peu bizarre, du coup, de le voir sortir tôt et pas râler. Je me suis dit, peut-être qu'il a une petite gêne, j'en sais rien, j'ai pas vu, tu vois. Bon, mais en fait, non, je crois pas, peu importe. Mais pour revenir sur Rennes rapidement aussi, donc c'est cruel pour Rennes. D'ailleurs, le penalty parisien, honnêtement, j'arrive pas à me faire un avis. Sur cette faute-là, je sais pas trop si c'est un scandale qui est penalty ou si ça aurait été un scandale s'il n'y avait pas eu penalty. Bon, pour moi, c'est discutable. Oui, c'est discutable. Mais c'est pas un scandale non plus, ouais. Mais voilà, c'est pas un scandale non plus. Peu importe la décision, c'est pas un scandale. Mais après, Rennes qui aurait pu aussi se mettre à l'abri plus tôt, je pense notamment à une occasion de Bourigeaud peu après son entrée. J'ai plus l'occasion exacte, mais ça m'a marqué. Mais enfin, Rennes qui aurait pu, qui avait la place de marquer un second but. Mais résultat final, c'est assez cruel pour Rennes. Voilà, important. C'est ça. Et on finit avec donc Marseille qui reçoit Montpellier. Et qui voulait enchaîner, hein, après ce match, cette victoire face en Ligue Europa face à Donetsk. Et puis qui arrête cette série de 6 matchs sans victoire. Et puis de belle manière, hein, 4-1, même si il y a eu peut-être une petite peur au début de match avec cette ouverture jusqu'à Montpellier. Mais très très vite, ça s'est bien enchaîné et peut-être le début d'une belle série là, avec ces deux succès. Ouais, c'est ça, comme on commençait à dire tout à l'heure, hein, comme le Shakhtar, début de match assez léger, assez. On rentre pas tout dans le match, on prend un but, bizarrement, entre guillemets, par rapport à la forme actuelle. Enfin, la forme qu'on a depuis plusieurs mois, pour le coup, on sait réagir, en tout cas depuis l'arrivée de Gasset ou le départ de Gattuso, je ne sais pas ce qui joue le plus, mais on a su réagir, on a fait un gros match après, honnêtement. On a vraiment pris le contrôle de ce match. Il y a eu un très très gros Illiman Ndiaye, surtout. Enfin, j'ai envie de dire, parce que au prix 18 millions, si je ne me trompe pas, qu'on l'a acheté et selon ce qu'on nous promettait avec lui, il était temps qu'il fasse un vrai bon match, parce que c'était vraiment pas arrivé en réalité depuis le début de saison. Et donc il a son premier vrai gros match, et on va dire son premier match référence avec l'OM, en espérant que ça le débloque sur les prochains. Mais en tout cas, match globalement sérieux de l'OM, même s'il y a eu un début de match assez compliqué, mais on a su réagir, c'est le principal. Et puis, un grand match de Ndiaye, encore un gros Aubameyang aussi. On trouve que publiquement, on souligne pas assez, en tout cas. Moi, je pense le faire assez depuis plusieurs semaines et même depuis le début de saison. Je pense le louer assez, Aubameyang. C'est-à-dire que c'est de base, c'est un joueur que j'aime beaucoup et encore plus là, depuis qu'il est à l'OM et encore plus depuis qu'il performe. Enfin, qui performe beaucoup de cette saison. Mais voilà, gros match de l'OM. Et là, je pense que quand nos adversaires jouent en orange, c'est bon signe. Shakhtar, Ouais, c'est vrai, Montpellier, c'est vrai. orange, ça nous réussit. Voilà. Donc j'espère qu'on va jouer contre là-bas le week-end prochain. Ah bah non, ils sont pas en Ligue 1. Merde. Non. Lorient, non? Non plus? Merde. Non mais voilà, non mais blague à part, non. J'espère que c'est le début d'une belle série. Et surtout qu'on remonte vite voilà, vers ces places européennes, quoi. Ouais, bah ça peut remonter assez vite, hein, et finalement Mais faut continuer. faut continuer dans la lancée, ouais. Mais voilà, l'Europe est pas très très loin, finalement. Parce que, comme on le dit, cette Ligue 1, cette saison, c'est quand même faible, hein, sur tous les niveaux, enfin Ouais. partout, quoi. Donc il y a la place, mais il faut le faire. C'est ça, faut encore le faire. Bah voilà pour les résultats de cette 23e journée. On a donc le classement avec le PSG à 54 points en leader. Brest, deuxième, 43 points. Monaco retrouve le podium avec 41 points. Nice, 40 points. Lille, 38. Lens, 36. Rennes, 35. Reims est 8e, 34 points. Marseille, 33 points. Lyon réintègre le top 10 avec 28 points. Et puis en bas, on a Nantes. Ça concerne, on va dire, le maintien. Hein. Toulouse, 26. Nantes, 25. Strasbourg, 25. Le Havre, 24. Montpellier, 22. Lorient, 22. Tout ça, c'est pour le barrage. Hein. Finalement, quand on regarde bien, il y a peut-être que Lyon qui est entre deux, quoi. Parce Ouais, c'est vrai. que ils sont pas si loin que ça, on l'a dit, peut-être de l'Europe, mais finalement qui est pas très loin non plus du maintien, du barrage. Donc, bah, c'est un peu pour eux, c'est un peu, on sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on joue le maintien à fond? Est-ce qu'on peut encore espérer l'Europe? Voilà, bon, c'est un peu entre. Pour les autres, bah, ce sera le maintien quoi qu'il arrive, même jusqu'à Toulouse. Dans tous les cas, faut gagner des matchs, hein, pour Lyon, de toute façon. Là, c'est clair, c'est l'objectif, ça c'est sûr. Et puis, par contre, en revanche, pour Metz, clairement, ça. Peut-être un peu loin, même si c'est avec 5 points, mais ils sont un petit peu en dessous des autres pour le maintien. On va faire les pronostics pour finir avec la 24e journée. Juste avant le match de cette 23e journée, bah, pas de vainqueur, 4 partout. Bon, bah, on a les mêmes résultats, comme on l'avait prédit. Voilà, 4 points, donc c'est vraiment les mêmes scores. Donc pas de jaloux. Non, finalement, on n'avait que trois matchs différents, donc bon, c'est un peu logique aussi. Mais on y va pour du coup, c'est fini partout, non? Ah bah Gironde. C'est fini à West Ham. Ça vient de se finir à West Ham, notamment victoire 4-2, donc des Hammers contre Brentford et West Ham qui donc est 8e avec 39 points à égalité avec Brighton qui est 7e, mais West Ham a moins 6 de différence de but et Brighton plus 8. Donc voilà, West Ham qui s'impose 4-2 et qui est 8e. Très bien. Caen Angers 2-0, donc c'est fini. La Lazio qui a perdu 2-2 hein, face à la Fiorentina, donc c'est la Fiorentina qui se relance finalement dans la course à l'Europe avec cette victoire. Et Gérone, donc 3-0 finalement. Il y a eu deux buts dans le temps additionnel, donc bah, Gérone qui s'impose 3-0 et qui retrouve sa deuxième place et reste à 6 points du Real. Voilà pour les directs. On termine avec donc les pronostics de cette 24e journée avec le début de cette journée qui démarre vendredi. Ce sera entre Monaco 3e et Paris leader vendredi donc à 21h. C'est pas trop quoi mettre parce que c'est vrai que Monaco on a parlé, c'est un peu dans le si Paris qui Pareil, qui Bah, joue c'est pas. pareil, hein. Enfin, pas dans le team, pas autant, mais c'est vrai Mais. que Paris, c'est, ouais, compliqué. J'ai envie de mettre un nul, moi. J'ai envie d'y Bah, c'est croire. quoi? J'allais te dire pareil. Puis, bah, t'es supporter monégasque, on le redit, c'est vrai. Bah, Mais, j'ai envie de mettre Monaco, mais bon, voilà. Oui. Après Paris, c'est vrai que Paris qui jouera en Ligue des Champions la semaine suivante, hein. Bah, 4 jours, enfin, 4-5 jours après, ouais, donc. Est-ce que. Tout le monde va jouer enfin, est-ce qu'il y a pas des rotations? Je sais pas. Donc, j'ai envie de croire un nul. Pas forcément, mais moi, vraiment, je pars sur le nul. J'ai envie de tenter le. Ça me paraît pas mal. Ouais. Ça serait pas un si mauvais résultat que ça pour Monaco. Donc, je vais rester sur ça, et je serais content si Monaco gagne, mais voilà, je pense que ça peut faire un nul. Ça peut aussi faire surtout une victoire de Paris, mais bon. Si ça a envie de vraiment jouer. Samedi, on a à 17h Reims-Lille. Reims 8e, Lille 5e. Attention, Reims qui peut revenir en cas de succès. Tu sais quoi, je reste sur le même truc, je dis match nul. C'est pas mal, tu sais que j'avais pensé aussi. Ouais, je sais pas trop. Hein. Ils ont des dynamiques différentes, mais. Ah, je vais quand même mettre Lille qui va se relancer. Après, c'est vrai que Lille joue aussi en. Ah, c'est ça que je veux dire, le match de Coupe d'Europe. Donc, non, je vais rester sur Lille quand même. 21h, Clermont-Marseille. Clermont, dernier. Marseille, 9e. Je vais mettre Marseille, moi, normalement, là, sans problème face à Clermont, une équipe assez faible cette saison. Ouais, j'espère quand même. Ouais, je mets Marseille aussi. Hein. Oui, moi, je pense. Hein. Dimanche, on démarre 13h, Toulouse-Nice. Toulouse, 11e, qui reste sur deux succès, on le rappelle, hein, face à Nice, qui est 4e. Une grosse performance en Coupe d'Europe aussi. Hein, exactement. Et Nice, qui est 4e et qui reste sur 4 matchs sans victoire. Ouais. Mais j'ai envie de mettre le renouveau de Nice grâce à cette victoire. Ouais, bah, on va pas se détacher. Hein. Je vais dire Nice aussi. Et je vais rester dans mon avis, je pense que Nice va le faire. Ouais. Je pense, ouais. Ça me semble dans leur corde. À 15h, on aura Nantes, Metz, Nantes qui est 12e, Metz 17e. J'ai pas trop quoi mettre là-dessus. J'ai envie de mettre Nantes, moi, qui peut enchaîner peut-être une deuxième victoire, ouais. Je sais pas. Un nul aussi, ça pourrait. Franchement, c'est compliqué. Aussi en même temps pour qu'on n'ait pas les mêmes trucs partout, puis aussi parce que je suis un mec de l'Est, je vais dire Metz. Nul. Ah, Metz carrément, d'accord. Non, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, non, mais après, non, c'est pas. Ils ont gagné un match là, mais sinon c'était pas. Ben, c'est ça, c'est un peu c'est ce genre de match de dimanche 15h, impronosticable en fait. C'est vrai. Donc ouais, je vais dire Metz. Très bien. Ensuite, on a Montpellier-Strasbourg. Montpellier 15e, Strasbourg 13e, ça c'est pareil. Deux points qui séparent les deux clubs. 3 points, pardon. Je sais pas. Je te dis Montpellier, moi. Montpellier. Ouais, j'ai envie de dire un nul. Là. J'ai pas mis beaucoup de nuls. Je vais mettre un nul là-dessus. Ça va peut-être être plus facile. Brest-Le Havre. Brest 2e. Le Havre 14e. Moi, je vais mettre Brest sans problème. Ouais, pareil. Ah oui, je pense. Hein. Ouais. Ensuite, on a 17h. Rennes-Lorient. Rennes. Qui est 7e, Lorient qui est 16e. Moi je vais mettre Rennes là, pareil, sans problème. Ouais, moi aussi. Bah oui. Ouais, mais je trouve qu'il y a des matchs pas forcément équilibrés par rapport au format actuel, tu vois. Ce week-end, il n'y a pas de vraie rencontre équilibrée, peut-être Nantes-Metz forcément. Mais, ouais, mais sinon, ouais. Montpellier-Strasbourg peut-être aussi. Ouais. Mais c'est tout. Ouais. Monaco-Paris, oui. Entre guillemets. Paris sera tout dessus, mais tu vois, c'est pas sûr à 100%, mais. Il y a pas mal de matchs un petit peu déséquilibrés, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et à 20h45, on a ce Lyon-Lens. Alors ça, pour le coup, c'est... Lyon 10e, Lens 6e. Voilà, franchement, je ne sais pas du tout. J'ai été séparé en premier, d'ailleurs. Eh ben... score exact. Score exact, oui. Donc ça, Lyon... tu sais quoi, je pense que ce sera un bon match. Je pars sur le nul, je vais dire deux partout. C'est pas mal, ça. Ouais, je vois Lyon qui est sur une très bonne forme quand même. Mais en même temps, Lens qui, je pense, reste une belle équipe et qui peut, qui va causer un peu, enfin, qui va donner du mal à Lyon. Mais en même temps, ça à Lyon, ouais, deux partout, ça me semble correct. Alors, n'oublions pas, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais que on aura la Coupe de France cette semaine. Oui, c'est vrai, j'ai oublié aussi. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des clubs qui vont jouer cette semaine. Lyon, c'est demain. Lyon, ce sera, oui, on peut en parler. Lyon, ce sera demain. Oui, c'est où, c'est là. Lyon, ce sera demain face à Strasbourg. Ouais. Donc, je sais pas si tu veux peut-être changer quelque chose. Non, je veux. mardi, le match c'est dimanche soir. Bon. Oui, ça va, c'est. Ouais. Ouais, non, je reste sur mon 2-2. Très bien. Et pour Strasbourg, non, ça change rien non plus à ton. Moi, tu avais mis Montpellier, de toute façon. Qu'est-ce que j'avais mis sur Strasbourg? Montpellier, t'avais mis, ouais. Ouais. C'est dimanche aussi, donc bon. Ouais, puis c'est dimanche 15h, en plus. Ouais. Non, je reste sur Montpellier. Non, je reste sur ce que j'ai dit. Et puis Rennes, qui jouera jeudi, hein. Jeudi, ouais, c'est vrai. Ce sera un petit peu plus. Ah, c'est vrai. Ce sera Rennes, le Puy-en-Velay. Donc jeudi, et qui, bon, après c'est pas non plus, voilà, c'est une équipe de nationale 2, hein, c'est le petit poussé, mais voilà, et qui jouera Lorient, qui enchaînera avec Lorient 3 jours plus tard. Bon, moi je reste quand même sur mon Rennes face à Lorient, qui me semble meilleur. Et puis donc mercredi c'est Rouen Valenciennes, voilà, pour le coup national contre Ligue 2, donc ça a pas d'impact et sur donc, la. Paris qui jouera son quart de finale un peu plus tard, hein, par rapport à la Coupe d'Europe, c'est ça? Exactement. Paris-Nice, ce sera le 13 mars, du coup. Match, voilà. Ce sera décalé. Donc non, moi, je vais rester comme ça. Mais et puis Lyon, ouais, moi aussi. J'ai envie de mettre Lyon quand même, un petit 2. Hein. J'ai envie de mettre Lyon. Allez, je vais rester, ouais, sur Lyon. Ouais, pourquoi pas. Hein. Mais là, puis Lens, ils sont pas trop. Ouais, ils sont pas trop bien là depuis. Ouais, c'est ça. Quelques jours, tout ça, donc ouais. Ça peut permettre à Lyon de revenir un petit peu aussi. Donc voilà, pourquoi pas. J'ai envie de croire, mais je sais pas. Donc on verra. Très bien, c'est noté tout ça. Cette semaine, donc on fait un rappel du foot, on aura donc cette journée de Ligue 1, on aura aussi la Ligue 2 en national. Donc pour Orléans, ce sera donc demain d'abord au match de retard face à Sochaux à 19h30 à domicile. Et puis ensuite il y aura du coup l'autre match du week-end pour la 23e journée, et ce sera cette fois à l'extérieur, à Châteauroux, samedi à 19h30. Voilà, ce sera face à Châteauroux, qui est 17e. Donc là, il faudrait vraiment enchaîner avec une victoire. Et pour une fois, ce sera pas le vendredi soir, ce sera le samedi. Voilà, voilà donc pour cette rencontre de National. On aura aussi tous les week-ends étrangers en Europe. Et puis on aura la Coupe de France, donc on l'a dit, quart de finale demain, mercredi et jeudi. Pour les quarts de finale. Voilà pour le foot. Et puis dans le reste des sports, en tennis, on aura, on l'a dit cette semaine, le programme, c'est Doha, qui sera le tournoi de la semaine. Voilà, donc pas un gros tournoi, mais en prévision des matchs, des tournois à venir. Dubaï, cette semaine. Et en rugby, petite pause pour le tournoi de Six Nations, hein. Il y aura uniquement le top 14 ce week-end, il n'y aura pas de Six Nations. Permettre peut-être au Bleu de se remettre à l'endroit après cette contre-performance face à l'Italie, on l'espère. Et puis pour les autres sports, en basket, l'OLB refait son retour aussi en championnat en Pro B avec un match à domicile. Ce sera vendredi, ce sera samedi plutôt, samedi avec vendredi c'est bien ça, à réception du club de l'Alsace. L'Alliance Sport Alsace, ce sera vendredi 20h au Comet pour Orléans. Et puis en handball, pour l'actualité de Saran, ça sera là aussi ce week-end, et ce sera cette fois vendredi avec la réception de je ne sais plus, de Aix-Provence. Voilà, ce sera à domicile au Palais des Sports cette fois pour Saran, qui aura bien besoin de soutien en vue du maintien. Voilà le programme de cette semaine. Et puis le retour du biathlon aussi, ce sera ce week-end avec l'étape à Oslo en Norvège. Voilà le programme qui vous attend. Les directs, tout est fini, hein, y a plus rien à suivre. Non, si ce n'est que Braga mène 4-0 maintenant à l'extérieur, Boavista, et il reste quelques secondes, donc ça va être terminé pour Braga qui va s'imposer dans cette rencontre. 23h08 déjà, ça tourne, ça va très très vite. On va se quitter avec ça. Le temps de remercier Hugo pour ce soir. Merci à toi de m'accueillir encore une fois, puis merci à tous d'être avec nous. Et le temps de choisir ton dernier titre aussi, évidemment. Ouais. Un petit son rap love d'été. Je te propose Joli Bébé de NASA et Niska. Et c'est parti pour ce dernier titre. Pas d'émission lundi prochain, cette fois-ci c'est sûr. Voilà. Et pour la suite, eh bien, je vous tiendrai au courant. Mais pour la suite, on se donne rendez-vous normalement dans 15 jours minimum. Mais sinon, la semaine prochaine, donc vacances, profitez-en ceux qui sont en vacances aussi d'ailleurs. Mais pour les autres, bon courage. Profitez donc de cette semaine de repos pour les autres. Et sinon, bonne soirée déjà, bonne semaine à tous. Et vive le sport. Ciao. Merci Hugo. À merci à bientôt. Toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Je rentre tard, je le dis pas. Je suis pas très loin en bas du bloc. Nos sentiments sont condamnés. J'ai 20 balles en bas du bloc. Ici, pas d'hirondelle, c'est les balles qui sifflent. Pardonne-moi, ma belle, je t'emmène loin d'ici. Baby, tu me loues, j'entends les balles qui sifflent. Pardonne-moi, ma belle, je t'emmène loin d'ici. Je traîne la nuit gantée. Je me sens menacé. J'aime tes conseils. T'es ma dulcinée. Jolie bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Jolie bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Je te le donnerai de toute façon. Y'a que toi dans mes pensées. Impression que je suis bloqué. Mon passé me rattrape. Tu vois qui la faute. Y'a que toi dans mes pensées. T'as pas lâché l'affaire. Tu seras la merde. Coco Chanel, Louis Vuitton, j'arrive comme un coup d'état. Monnaie, je dois faire everyday. Pour toi, je serais obligé de t'aimer en faisant attention. Tu me trompes, je deviens assassin. Le vrai est qu'une hypotation. Ça va finir en pension. Elle critique mon train de vie, dit que je suis criminel. Quand elle sort le samedi, je me sens privé d'elle. Je suis dans les affaires arbées, j'ai ça dans les veines. Je suis dans les vibes arbées, je suis dans les vibes arbées. Je suis de la zone bébé, tu le savais depuis longtemps. J'avais dit qu'on ferait pas semblant. J'suis dans la zone bébé. Mais c'est plus comme c'était. Jolie bébé, ma douce. J'te donnerai mon cœur sans souci. Jolie bébé, ma douce. J'te donnerai mon cœur sans souci. J'te le donnerai de toute façon. Y'a que toi dans mes pensées. L'impression que j'suis bloqué. Mon passé me rattrape. Dis-moi qui la faute. Y'a que toi dans mes pensées. T'as pas lâché l'affaire. Tu seras la que no hay palabras para hablar lo que aconteció. Acho que nos primeros, bueno, para ser más puntuales, nos primeros. Non, vraiment très très beau match Chelsea. Ouais, ils auraient mérité de gagner, on peut le dire. Enfin, potentiellement en tout cas. Après, bon, ils ont pas su être décisifs encore une fois dans le dernier geste aussi. Voilà. Quand je dis mérité, je me comprends. Je veux dire, mais ils auraient pu, en tout cas, gagner ce match. Ça aurait pas été un scandale, loin de là. Mais en tout cas, très très beau match de Chelsea et Liverpool. Mais comme tu dis, ouais, c'est dommage pour Chelsea parce que ouais, c'était presque leur dernière chance finalement, ou leur seule chance en tout cas de raccrocher une Coupe d'Europe. Ouais. Alors du coup, Liverpool qui gagne la compétition, ça va libérer une place en championnat. Hein, ça va permettre.